C'est intéressant de pouvoir préparer déjà l'esprit de la personne, comme la sœur Mimi vient de le dire. Elle, sa manière de procéder, c'est quoi? Elle peut parler avec lui une fois comme ça, le frère ou la sœur n'est pas encore là, mais elle prépare son esprit pour lui dire, ah, j'ai ma sœur, quand dans telle ville ou dans tel pays, tant en temps, chaque fois on est ensemble, tout ça, elle te salue bien, elle fait ceci ou elle fait cela. Voilà. Tu vois, une fois, deux fois, il entend. Une fois, deux fois, il entend. Il sait que ce nom-là, déjà, est déjà là. Ah, c'est là, c'est ton ami, c'est là. Ton ami, c'est là, c'est ta soeur. Je suis, mais je ne l'ai pas connu. Pourquoi tu ne m'as pas vite montré? Tout ça, il peut commencer à dire, oui, l'information vient en retard, tout ceci, cela. N'est-ce pas? Là, là, son esprit est déjà préparé. Jusqu'à ce qu'un jour, tu dis, mon ami, là, viens chez moi. Veux venir chez nous aujourd'hui pour passer un temps avec nous, vraiment. Et puis tu expliques les bienfaits que soit le frère ou la sœur t'a fait ou t'a apporté. Oui. Tu vois. Quand tu suis, je pas un cours comme ça, il sort de nulle part, tu ne connais pas la personne, tu lui suggères. Mais je dis, hein. Mais tu vois que oui, un tel doit venir chez nous. Tu lui jettes comme ça au visage, sachant qu'il n'est pas converti. Mais il va te dire typiquement. Non. Non, il va te dire non, non. Ça se passe pas comme ça parce que tu payes rien chez moi, c'est moi qui paye tout. Non, mais on parle exactement la même, on dit la même chose là. Ouais. Je veux dire, si toi, mon frère, tu m'appelles, tu me dis voilà ma soeur, je veux venir te rendre visite, par exemple la semaine prochaine. Bien sûr, je veux parler à mon mari. Je veux commencer à disposer, c'est-à-dire quoi? Je veux commencer à lui parler de toi. Tout doucement. Mais avant, au préalable, je veux en parler, je veux mettre ça en prière. Demander au Seigneur sa direction. Et pour que lui, il puisse disposer le cœur de mon mari. Pour qu'il entende ce que je vais lui dire. C'est toujours la même chose, hein, on dit la même chose. Moi, au préalable, je veux d'abord mettre ça en prière. Parce que c'est pas moi qui fais. L'élément déclencheur, c'est le Seigneur. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui touche le cœur. Moi, je ne veux pas arriver et dire, voilà. Moi, en tout cas, comme je vous le disais tantôt, hein, moi, je ne fais rien. C'est-à-dire, moi, je mets tout. Je demande toujours au Seigneur sa pensée, ce qu'il en pense. Je veux vraiment, c'est-à-dire m'abandonner au Seigneur, m'abandonner, lui demander. Je ne veux pas faire les choses par moi-même parce que ce n'est pas moi qui fais. Je suis quoi déjà? Je ne suis rien. Donc, imagine, je vais dire à mon chef, je vais aller voir mon chef, je dis, voilà. Sans prier, chérie, la semaine prochaine, il y a un frère qui vient. Ok. Et s'il me dit non? Et s'il me dit non? Ouais. On fait comment? Voilà. C'est ça. Donc, moi, je pense personnellement que. Moi, c'est mon point de vue. Hein. Moi, il faut demander l'avis, la direction du Seigneur. Toujours, toujours, toujours. Il faut toujours se confier au Seigneur. Ma soeur Suzanne. Oui, ma soeur. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Amen. Et puis aussi, je voulais aussi souligner que, par exemple, une soeur qu'on connaît, qu'on n'a jamais visitée, et que, par exemple, qui dit que son mari lui refuse tout, il faut chercher à voir aussi jusqu'à quel point cette soeur est affermie. Et puis, quelles sont les astuces, comment est-ce que tu peux l'aider pour progresser? Parce que tu peux parler avec la personne au téléphone, mais entre guillemets, la vie quotidienne, il n'y a pas de progrès. Il peut parler de Dieu, il peut parler de Jésus, tout et tout, mais son comportement n'en demeure pas, ne démontre pas ce que la personne dit. Du coup, nous sommes les bibles ouvertes pour les païens. Ils sont païens comme ça là, mais ils sont très dangereux. Tu crois qu'ils ne nous lisent pas? Fais très attention, ils nous lisent à longueur de journée. Fais une erreur, trompe-toi et puis tu vas voir s'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Tu vas voir comment les esprits vont les inspirer des versets pour leur dire que toi, tu dis que tu es enfant de Dieu, mais regarde comment tu te comportes. Donc, si une sœur n'est pas affermie au niveau où elle doit vraiment se soumettre, c'est tout à fait normal que le mari lui refuse tout et tout et tout. Parce qu'elle peut parler du Seigneur, mais il faut qu'elle vive ce qu'elle dit. Si elle ne vit pas ce qu'elle dit, si elle ne pleure pas sur son sort, jusqu'à ce que le Seigneur la brise totalement et qu'elle va jouer comme la sentence qui a deux noms, donne, parce que la sentence a que deux noms, l'autre, l'une s'appelle homme et l'autre s'appelle donne. Que donne seulement, toute la vie donne, et elle ne s'est pas donné d'amour, elle ne s'est rien manifesté, elle ne s'est pas s'humilié, elle ne s'est rien fait, elle ne s'est pas donné. Alors là, je crois que c'est le nom du Seigneur qui est blasphémé et nous avons un grand problème. Ma soeur, moi je suis d'accord avec toi, mais tu sais, moi personnellement, moi je te parle pour moi, je ne te parle pas de l'autre soeur. C'est clair, hein, ma soeur, ouais. Pour toi c'est clair. Oui. C'est normal que quand on vit avec un inconverti, on doit demander, même avec un inconverti, mais on doit demander la direction du Seigneur dans tout ce que nous faisons. Amen. Avec mon épouse, ce n'est pas un inconverti, mais tout ce que nous faisons, nous demandons la direction du Seigneur. Donc on est d'accord. Deux fois, il nous révèle ce que nous ne devons pas faire. Deux fois aussi, il nous dit les dangers qui sont à proximité. Deux fois aussi, il ne nous dit rien. Mais dans tous les cas, nous demandons sa direction dans ce que nous faisons. Et nous le remercions, nous ne sortons jamais de la maison sans prier le Seigneur et nous ne rentrons pas sans lui dire aussi merci. Donc, c'est comme ça que nous faisons, c'est notre quotidien. Maintenant, imagine que tu vis avec quelqu'un qui n'est pas converti. Quand tu vis avec quelqu'un qui n'est pas converti, tu dois encore redoubler encore d'efforts et de courage. Parce que tu es avec quelqu'un qui n'est pas converti et tu peux le heurter et il ne va pas comprendre, tu vois. Il ne va pas comprendre comme le chrétien peut comprendre que bon, tu es aussi dans la chair, que tu peux aussi te tromper, que tu peux aussi faire des erreurs parfois. Mais lui, il ne va pas comprendre, tu vois. Il ne va même pas comprendre. Lui ne cherche pas à se corriger, mais il va toujours regarder, surveiller les erreurs qui viennent de ton côté. Donc, pour toi, vraiment, c'est très bien. Et je bénis le nom du Seigneur parce que tu es en train de bien progresser. Mais ce n'est pas le cas pour beaucoup, pour d'autres, tu vois. D'autres sont mariés à des païens, c'est vrai. Mais ces femmes-là ne sont pas du tout brisées, tu vois. Ou alors, c'est parce que c'est maintenant que la parole du Seigneur est venue à eux. Donc, ils n'ont pas encore eu le temps de brisement, tu vois. Donc, du coup, les paroles sont violentes. Quand elles ouvrent la bouche, c'est des flèches. Elles ne savent pas parler. Et tu crois... Et puis, la communication est très, très, très lourde, très difficile avec l'époux. Et tu veux que la sœur... Tu ne peux pas accepter si elle dit que quelqu'un va venir les rendre ici pour assister à tout ce bazar-là. Non. Oui, quelque part, là. Oui. Donc, c'est un peu ça. Je dirais que c'est bien de manifester l'amour du Seigneur, les uns, les autres, tout et tout. Mais aussi, c'est bien aussi de nous rapprocher pour nous connaître. Mais c'est aussi bien de demander aussi la direction du Seigneur parce que tu peux aussi recevoir quelqu'un, puisque tu peux aussi recevoir quelqu'un, ne pas savoir l'identité de la personne. Et puis, si tu ne demandes pas la direction du Seigneur, tu ne sais pas à qui tu reçois dans ta maison. Du coup, tu peux mettre ta maison aussi en danger. Donc, il est toujours très nécessaire de demander la direction du Seigneur pour ne pas que ça devienne autre chose. Après le non-croyant, il va dire que bon, voilà, Jésus, Jésus, Jésus, et après, c'est toujours le nom du Seigneur qui est encore blasphémé. Donc, faisons attention pour ne pas être un scandale. si on veut rendre visite à un frère ou à une sœur, tant que son époux n'a pas encore accepté, ou le non-croyant ou la non-croyante qui vit avec lui n'a pas encore accepté, c'est de soutenir cette personne en prière et de lui donner un peu de, des idées de sagesse pour préparer la personne, comme mon époux l'a dit, préparer la personne petit à petit, un peu, pour dire que, oh, telle personne te salue, oh, tu as le bonjour d'un tel, ou alors, voilà, essayer de préparer la personne et puis à un moment donné, tu dis que, bon, est-ce qu'on ne pourrait pas aller passer une journée chez telle soeur, telle personne qui te salue toujours, bien telle personne m'a vraiment aidé dans mes moments difficiles en prière, tout et tout. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller faire un tour pour passer une journée avec eux? Il y a des préparations comme ça qu'on peut faire, tu vois. Ce n'est pas un coup comme ça, bam, il doit venir chez nous. Non. Maintenant, s'il a refusé ça, une autre fois, on peut dire que, bon, est-ce que telle peut venir passer la journée avec nous? Il y a ça aussi, hein. Donc, c'est ce que j'avais à dire, les sœurs. Allô? Allô? Ah, ok. C'est ce que j'avais à dire. C'était mon point de vue un peu. Amen. Non, c'est intéressant. C'est intéressant de rappeler, de, en tout cas pour moi, d'entendre l'avis du Seigneur pour tout. Parce qu'on a tendance à le faire pour des grandes choses, mais pas pour le quotidien et des petites choses. Et comme tu dis, Suzanne, c'est, rien n'est anodin, tu vois, parce que les choses peuvent nous sembler banales, simples, alors que Dieu a son point de vue qu'on ne connaît pas. Maintenant, ma question est, bon, comment lire les réponses du Seigneur, c'est-à-dire que tu peux lui soumettre, tu peux t'abandonner. Enfin, moi, ce que je lui dis souvent, Seigneur, je m'abandonne, je te laisse faire. C'est par rapport aux difficultés que je peux avoir. Et je lui demande juste de renforcer ma foi et de me. Alors, c'est lâcher prise, tu vois. Alors maintenant, quand tu veux demander, comme tu dis, tu sais pour tout, tu as raison, tu te lèves, tu as une décision à prendre, aussi banale que ce soit, et de lui dire, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses, je trouve que je trouve ça extra. Donc, mais comment entendre la réponse du Seigneur? Parce que comme vous le savez, moi je commence juste à découvrir et à comprendre un certain nombre de choses, ce n'est pas aussi évident que ça, donc. J'ai encore des réflexes qui ne sont pas les bons. Et j'essaie de me corriger de plus en plus parce que moi, j'ai pas de conjoint, j'ai pas de mari, mais j'ai une espèce d'oppression de croire autour de moi parce que tout le monde me dit « Tu as changé, mais c'est n'importe quoi ce que tu fais. » Quand je parle avec mes enfants et que je parle du Seigneur, La connexion. La connexion. Allô, ma soeur? Ma soeur? Ma soeur Myriam? Non. Non, ma soeur Mimi? On t'entend plus là. Ah, allô? Oui, je trouve ta question très intéressante, hein, très, très intéressante. Mais on t'entend très mal, ma sœur. En fait, tu sais, comme je conduis, en fait, c'était pour ne pas rater le truc. Je suis obligée de prendre les conversations, de faire le chemin en voiture. Je suis en train de rentrer en voiture. Il n'y a pas de réseau parfois. Mmh. C'est juste pour ne pas rater, en fait, parce que comme je travaille tard, voilà. Mmh. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Amen, amen. Donc, ma question. Et comment entendre la réponse du Seigneur? Parce que, comme je dis... Quand tu as la paix dans le cœur, ma sœur... Bien, pour des choses même les plus... qui peuvent sembler banales, en tout cas. C'est bien. Ce que vous dites m'inspire beaucoup. Et je vais veiller quand même à le faire. Amen, voilà. Amen, amen. C'est important, ma sœur. Oui, c'est bien. C'est très, très important, vraiment. Moi, en tout cas, hein, moi, je ne dis pas les choses comme ça, hein, parce que c'est parce que je les vis vraiment, ma sœur. Si aujourd'hui, oui. J'arrive à parler de ça, c'est que vraiment, il y a... Parce que déjà, ma relation avec le Seigneur a considérablement... comment dire? Oui, oui. Et donc, quand j'arrive à parler comme ça, c'est vraiment que je ressens des choses, quoi, tu vois. Je ressens des choses. Et j'ai été comme toi. J'ai été comme toi. Je le suis toujours, d'ailleurs. Hein. Mais sauf que je réagis différemment aujourd'hui. Et j'ai l'impression que le Seigneur m'a mûri, m'a fortifié, en fait. Parce que je me suis beaucoup confiée à lui. Je me suis beaucoup confiée à lui avec humilité. Je me suis rabaissée. Je lui ai beaucoup demandé de me briser. De me briser. J'ai passé des moments de pleurs. J'ai passé des moments de... Tu vois, je lui ai tout simplement demandé d'être présent, de me montrer. Parce que si je ne sais pas faire, qui me montre? Qui me montre tout simplement? Tu vois? Ouais. Tu t'abandonnes, tu lui demandes de t'aider à t'abandonner à lui, en fait. Personnellement, franchement, parle-lui. Sois sincère. Parce que sa parole dit « Cherchez-moi quelque chose comme... » Il faut le chercher sincèrement, avec cœur pur, tu vois? Voilà, mais ma question, tu sais, oui. Je comprends très bien ce que tu dis. Tu sais, alors, est-ce que c'est la façon de prier? Tu sais, je ne sais plus pas quelle est la frontière entre se plaindre et se confier au Seigneur. Tu sais, parfois, j'ai des soucis, je me dis, j'ai pas envie de me plaindre, j'ai pas envie de me lamenter, en fait. Et je lui dis, mais Seigneur, tu sais ce que j'ai dans le cœur. Tu sondes mes cœurs, tu le sais. Je te confie mes soucis, je te confie tel problème, je m'abandonne. En réalité, c'est ça. En fait, pourquoi parfois je ne suis pas à l'aise, je le reconnais, parce que je ne sais pas si je me plains, si je me lamente. C'est comme si je n'étais pas satisfaite en réalité de mon sort et que je remettais en question ce que le Seigneur faisait. Ma sœur, écoute-moi bien, s'il te plaît. Écoute, laisse-toi aller, ne te prends pas la tête. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand tu calcules, j'ai l'impression que tu calcules quand tu vas parler au Seigneur. Ne calcule pas, abandonne-toi tout simplement. Laisse-toi, c'est-à-dire, parle-lui, raconte-lui. Je ne sais pas comment te dire ça, j'arrive même pas à expliquer. Je ne trouve pas des mots justes pour t'expliquer comment. En fait, arrive dans le Seigneur comme un bébé, quoi, comme un enfant, tout simplement. C'est-à-dire, ne commence pas à réfléchir, oui, bon, donc, alors, il faut que je dise quoi, comme ça, non. Tu viens, c'est-à-dire, mets-toi dans la situation comme si tu parlais à ton papa visible, c'est comme si tu le voyais, en fait. C'est comme si c'était ton papa, celui qui t'a mis au monde, que tu allais le voir et que tu lui parlais, tout simplement. Et c'est pour ça que le Seigneur, il dit... Venez à moi, petit enfant. Ça dit qu'il veut que notre cœur, comme des enfants. Tu vois ce que je veux te dire, ma sœur? Ça dit, ne réfléchis pas, va tout simplement. Si tu dois pleurer, pleure, lâche-toi, abandonne-toi au contraire. Si tu dois couler les larmes, vas-y, lâche-toi. Là, il n'y a personne, il n'y a personne. Tu vois? Et là, c'est ça vient du cœur, voilà. Suzanne, est-ce que tu es d'accord avec moi que on est le fruit d'une vie, d'une expérience, d'un vécu? Tu es d'accord avec moi? J'ai pas honte de montrer mes sentiments. C'est comment? On nous a tellement inculqué. Je dis entre guillemets, hein, parce que je mets bien des guillemets parce que c'est pas nécessairement ça. La dignité dans ce qu'on peut traverser. Alors, ça ne part pas du jour au lendemain. Tu vois ce que je veux dire? C'est là le problème, justement, ma sœur. C'est-à-dire, en fait, j'ai l'impression que tu mélanges encore le monde et le monde réel et le spirituel. Donc, ça ne va pas. Il y a forcément un blocage quelque part. Quand tu viens dans le Seigneur, ce qui fait que tu as sans doute tendance à réfléchir. Parce que ça, peut-être parce que aussi tu es dans le monde, tu es un peu dans le monde professionnel, peut-être, je ne sais pas ce que tu fais dans ta vie comme travail, hein. Je ne sais pas. Ouais, mais ouais. Voilà, il faut arrêter ça en fait. Oui, pardon. Mais non, c'est que je veux, hein. C'est pas que je ne veux pas. Je ne sais pas le faire. C'est-à-dire que les échanges avec vous, toi par exemple, le fait de se confier au, de parler de tout au Seigneur, de le faire, et comme tu dis, c'est comme si tu parlais à ton papa. Tu vois, ça me parle. C'est comme si tu parlais à ton papa, oui. Mais je ne suis, je commence. J'essaye de m'abandonner. J'espère que je vais y arriver. Je pense que je vais y arriver. Ma conviction, en revanche, c'est que ma foi aujourd'hui, le fait de croire en Dieu, le fait de connaître Dieu aujourd'hui, me fait énormément de bien. Et je pense que c'est un processus qui ne change pas radicalement. Je pense. Les choses changent petit à petit. Je le sens dans ma façon de faire, ne serait-ce que déjà avec mes enfants. Mes amis me le disent parce que c'est ce que je demande, la transformation. Seigneur, je veux que tu me transformes, je veux que tu changes, je veux que tu me changes, je veux que tu changes cet aspect de moi. J'aimerais pouvoir m'abandonner, Seigneur. J'aimerais pouvoir m'abandonner. C'est ma prière, hein. Mais comme tu dis, peut-être que c'est encore, voilà, je suis soit dans le monde, je ne sais pas comment tu appelles ça. voilà, c'est pas moi qui l'appelle, ma soeur. En fait, moi, tu sais quoi, franchement, je ne veux pas te choquer. Moi, quand je t'entends parler, ma soeur, je voudrais te dire tellement, parce que je comprends, je voudrais mettre les mots crus dans ce que tu me dis et dans ce que je comprends ce que tu veux me dire, mais je ne veux pas juste te déstabiliser. Parce que je te comprends tellement bien et je voudrais te dire, en fait, j'ai l'impression que tu réfléchis beaucoup trop. J'ai l'impression qu'en fait, même quand tu demandes au Seigneur, tu n'es pas assez sincère, en fait, tu n'es pas dedans, en fait. Si je peux me permettre, hein, permets-moi de te dire ça, ma sœur. Alors, c'est pas que ce ne soit pas. Je demande parce que je suis sincère dans ma demande. Maintenant, oui. Est-ce que tu me dis, est-ce que je suis suffisamment bien pour que Dieu accède à ma prière? C'est ça ma question. Je suis d'accord quand tu dis que je me questionne parce que c'est pas le manque de sincérité. Je suis sincère dans ma demande. Je suis sincère dans ce que je peux. Mon questionnement, les questions que je me pose, est-ce que je fais ce qu'il faut? Est-ce que je suis à la hauteur de ce que Dieu attend de moi? Et je lui demande, mais Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Peut-être que je me pose trop de questions. Et tu me demandais ce que je faisais comme boulot. Je suis auditeur. Donc, peut-être que c'est une déformation professionnelle. Mais j'espère en tout cas. Ça n'aide pas, je pense. Ouais, ça n'aide pas. Mais voilà. Mais bon, c'est pas grave. Mais de toute façon, ça, c'est pas grave. Le Seigneur, il est présent dans tout ce qu'on fait, dans les moindres petits détails. Maintenant, tout ce que tu peux lui demander avec sincérité, encore une fois, il le fera. Il le fera, même si tu travailles dans n'importe quoi. Il suffit d'être sincère et t'abandonner tout simplement, comme un enfant. Qu'est-ce que tu appelles sincère? Voilà, c'était ma question. Qu'est-ce que tu appelles sincère? Quand tu demandes, tu demandes, en tout cas par rapport, je dis n'importe quoi, à un problème bien précis. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'on peut considérer comme un manque de sincérité? C'est ça que tu veux savoir. Est-ce que tu veux dire par là que je n'ai pas suffisamment confiance au Seigneur? Qu'est-ce que tu entends par sincérité? Ou Oui, je pense que... Bon, en fait, j'aimerais te répondre, ma sœur, mais j'ai peur que les mots que j'emploie ne te convainquent pas, en fait. Je suis même pas là pour te convaincre, hein, d'ailleurs. Je te donne juste mon point de vue personnel et puis moi, ce que j'ai vécu, mon vécu, ma relation avec le Seigneur, tout simplement. D'accord? Sans te juger, sans te pointer du doigt. D'accord? Moi, ce que je veux dire, c'est que pour ma part, personnellement, moi, je sais que au début, je manquais de confiance. Je manque encore de confiance, je le sais. Mais beaucoup moins qu'avant, parce que j'ai su, j'ai demandé, je ne sais pas comment dire ça, j'ai su, j'ai compris ce que le Seigneur a parlé à une sœur, à un frère. C'est-à-dire, je m'en parlais aux autres, mais je m'éloignais en fait. Tu vois? C'est ça. Très bien. Alors que j'ai compris, et puis il me parlait aussi un peu, aussi peut-être dans mes songes, il y avait des trucs, tu vois, des petits trucs qui me faisaient penser que c'est ça que le Seigneur voulait. Et voilà, j'ai pris ma vie spirituelle en main, et je le voulais de tout mon cœur. Ça, si je te le dis, c'est parce que sincèrement, je le voulais, je sais que je voulais vraiment. Je voulais vraiment. Et donc, de ce fait, j'ai compris que la seule chose, c'est vraiment que je me laisse guider par le Seigneur. Je me laisse guider. Ouais. Après, je pense que tu vas me dire, mais qu'est-ce que tu entends par guider par le Seigneur? Non, je comprends ce que tu me dis. Guider par le Seigneur, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. C'est-à-dire que quand tu entreprends quelque chose, eh ben, la première des choses, c'est de lui demander son avis. Ça, je l'ai compris. Maintenant, voilà. Ça, je le comprends bien. Ce que je ne comprends pas, c'est quand on dit est-ce que tu demandes avec sincérité. C'est une question, hein. Et je te dis, si je suis là, c'est que j'aimerais quand même aussi comprendre. C'est ça l'objectif. Mais il faut utiliser les bons mots. Quand je dis utiliser les bons mots, je veux pas de filtre. Je passe au sol, hein. Donc vous n'allez pas me voir. Donc je veux que tu utilises les mots qui te viennent. Non, mais ma soeur, pardonne-moi, mais je pense que j'ai assez parlé. Si il y a une autre soeur ou un autre frère peut prendre le. Tu ne m'as pas répondu. Tu m'as pas répondu. Pardon. Une intention versée pour moi. Et la voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Ma contribution, mes bien-aimés, c'est que tel que nous sommes, allons au Seigneur. Il ne nous a pas choisi, justement, parce que s'il nous a choisi, c'est parce qu'on n'avait aucun mérite. Parce qu'on est une chose vile. On méritait que sa colère, mais c'est sa grâce immense. Même avant que on ne sache qu'il y a un Dieu, il nous connaissait. Amen. Donc, sois ce mental que tu es devant lui et il va faire son œuvre en toi. Il va faire son œuvre. Amen. En fait, pour ma contribution, le fait, Rabbi, pour ma contribution, grandissons avec le Seigneur. C'est tout ce que moi je dis. C'est-à-dire, comment nous avons connu le Seigneur, comment où nous étions et il nous a appelés, il savait toutes choses, bien avant même que. C'est lui qui a permis que nous venions à lui. Ce n'est pas nous qui nous sommes levés un matin pour dire on va suivre le Seigneur. Non. Le Seigneur a créé ce déclic-là au-dedans de nous. Et aujourd'hui, nous sommes collés avec lui, scellés avec lui. Nous ne pouvons pas laisser toute chose. C'est vrai que par moments, il peut y avoir des failles, tout ça. Il peut y avoir des caractères, des comportements, des manières d'agir, tout ceci, cela. Mais marchons toujours avec le Seigneur. Restons avec lui jusqu'à ce que vraiment. Il soit imprégné totalement en nous, quoi, tu vois. Amen. Ma soeur Louis, elle est partie, je crois. Elle est partie. Ça sert à rien que je parle parce que ce que je vais dire, c'était pour qu'elle puisse un peu comprendre ce que, du moins, les ondes qu'elle n'a pas compris. Avec sa conversation avec ma sœur Suzanne. Ah ben, elle est revenue. Okay. Ah, ça, Mimi. Oui, excusez-moi. Ouais, je suis venue un peu. Je voudrais te rappeler. Je crois que dans ce que tu développes, ma sœur Suzanne, je ne suis pas dans sa pensée, mais comme la parole le dit, nous avons dans la pensée du Seigneur, hein. Et donc, je crois qu'il manquait quelque chose. Le mot qui manque là, c'était de créer l'intimité avec le Seigneur personnellement. Amen. Chaque développer cela. C'est-à-dire que si tu développes une intimité avec le Seigneur, tu comprendras effectivement son langage d'une manière ou d'une autre. Puisqu'il parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Donc, tu comprendras quand tu es habitué à quelqu'un, quand il parle, tu sais ce que ça veut dire. Quand il te regarde, tu sais ce que son regard veut dire. Tu vois? Oui, c'est vrai. Donc, c'est aussi profond que ça, ma sœur, tu vois? Ouais. Donc, il faut que nous grandissions jusqu'à arriver à un moment où, quand le Seigneur ne dit rien, nous comprenons pourquoi il dit rien. Il parle, nous comprenons pourquoi il a parlé ici. Pourquoi l'autre juge n'avait pas parlé, pourquoi ici il a parlé. Donc, c'est l'intimité qui crée ça, tu vois. Mais si tu n'es pas habitué au langage de quelqu'un, ça ne va rien te dire. Je prends un exemple tout simple. Nous qui avons grandi en Afrique, nous lisons les regards de nos parents. Quand le père te regarde, tu sais ce qu'il veut dire par son regard. Mais les enfants de l'Europe, tu les regardes, ils ne comprennent rien. Tu les menaces des regards, ils ne comprennent rien. Ils sont en train de faire une grosse bêtise. Tu veux les punir, tu les regardes même, mais ils ne comprennent même pas ce que tu veux dire. Ça, ce n'est pas bien. Pourtant, ce sont tes enfants, tu vis avec eux. Ils sont censés comprendre tes faits et gestes, tu vois. Oui, oui, mais ils sont censés comprendre. Est-ce que... Je pense que ce que tu dis, les enfants en Afrique, je pense même que les enfants en Afrique aujourd'hui ne voient rien. On ne comprend... Vraiment? Non, non, il n'y a plus d'Afrique et d'Europe. Ce que je veux dire, c'est que tu ne comprends que ce qu'on t'a inculqué et ce que tu as appris. D'accord? Ça, c'est vous. Dans mon cas, si tu veux faire le parallèle, c'est vrai, je pense que je suis dans un processus comment on appelle ça, d'évolution. Je regarde, vos échanges, par exemple, pour moi, sont d'un grand apport. J'échange avec Junior, ça m'apporte. J'échange également avec d'autres chrétiens. Donc, parce que, comme je vous ai expliqué, mon environnement ne me permettra pas de grandir si je ne suis pas en contact avec des gens, des chrétiens. Alors, moi, je le fais à la mesure de mes... Alors, c'est pourquoi je dis... j'écoute peut-être que Suzanne a raison. J'ai réfléchi trop, peut-être parce que j'estime que je ne suis pas digne, justement, et que je suis en hésitation totale. Junior va peut-être le confirmer. Mais je veux dire, je fais ce que je peux et en vous écoutant, c'est d'abandonner au Seigneur, lui demander les choses les plus banales. Et tu vois, pour moi, tiens, c'est quelque chose que je découvre et qui m'inspire et qui, je pense, va me permettre petit à petit d'apprendre à le connaître. Tu vois? Donc, ce que je fais, c'est pour ça que je ne comprenais pas le terme de Suzanne tout à l'heure. La sincérité, c'est important. Je dis les choses comme je le pense, je prie comme je le pense. Mais là où elle a raison, c'est que je me dis, je suis digne, est-ce que je fais ce qu'il faut? Est-ce que je fais ce qu'il faut? J'aimerais pouvoir faire. Mais je le lui dis, je dis, Seigneur, j'aimerais faire ce que tu veux. Mais il faut que tu m'aides parce que moi seule, je ne peux pas. Il n'y a que toi qui peux m'aider. Ma prière, c'est de lui dire tous les matins, Seigneur, je veux fixer mon regard sur toi. Je veux que tu me guides dans ce que je suis en train de faire. Je veux que tu m'inspires. Mais je n'aurais pas le réflexe, par exemple, de demander des choses banales. Mais c'est une idée, voilà. J'entends bien ce que vous me dites, je comprends. Mais ce que je vous expliquais, c'est qu'on ne devient pas, je pense que Suzanne l'a expliqué tout à l'heure, on ne devient pas, je ne sais pas, chrétien, ce n'est pas le mot, où on ne vit pas sa vie de chrétienne subitement. Je veux dire, c'est un processus, c'est un apprentissage, c'est de l'observation, c'est de l'écoute, comme elle dit, c'est la parole, elle se lève, elle lit la parole de Dieu, c'est son premier réflexe. Elle a de la chance. Moi, malheureusement, je suis obligée de me lever le matin, d'aller au travail. Quand je rentre, j'ai un problème avec ça. J'ai pas toujours l'opportunité d'avoir un moment seul. Ou même si je l'ai, je fais une prière parce que je ne sais pas lire la Bible. Je ne comprends pas toujours. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. C'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce, ma sœur. C'est la grâce. C'est le Seigneur qui me commande. Que Dieu me donne, c'est ma prière, alors qu'il me donne cette grâce. Il va le faire, ma sœur. Ça va venir, ne t'inquiète pas. Fais-lui confiance, ma sœur. Fais-lui confiance. Il est bon, il est merveilleux, notre Père. Ouais. Amen, amen, amen. Merci en tout cas, tu nous as édifié, ma sœur. Que le Seigneur te bénisse et te fortifie. Merci beaucoup, hein. Merci. Amen, amen. Tu es arrivée, ma sœur? Oui, oui, je suis arrivée. Je suis arrivée à la maison. Je suis arrivée. Voilà. Du coup, tu me fais penser qu'il faut que j'aille chercher quelque chose d'autre. Ta Bible. C'est ça. Dis. Allô, allô. Oui, allô. Oui, oui, pardon, je suis obligée de ne pas mettre ma vidéo, tout simplement parce que j'utilise mon téléphone, donc je n'ai pas ma tablette, comme je suis en déplacement, donc... Ma soeur Mimi. Ça va, mon frère Ben? Mon frère Ben, imagine. Ça va? Tu m'entends? Exactement. Le frère Ben, tu m'entends? Allô? Oui, oui, là c'est bon. Shalom, shalom, mon bien-aimé. Ça va bien? Ça va bien, ma soeur, par la grâce de Dieu. Amen, amen. Je vous regardais, je vous ai pris en cours là et bon, il fallait que je ferme ma soupape. Ah! Et toi alors, qu'est-ce que tu en penses? Tu n'as pas donné ton avis auprès de notre sœur. Je ne vous ai même pas écouté dès le début. Je ne sais même pas de quoi vraiment. De quoi il est question. Des questions importantes. Mm-hmm. Je préférais fermer ma soupape. Amen. Allô, frère Fabien, comment tu vas? Oui, ça va, mon frère. Tout va bien, par la grâce du Seigneur. Je suis là, j'ai des retours. Ah, content de te revoir. Merci. Moi, j'ai une question. Ma question, alors, je ne sais pas si je vais pouvoir, si le Seigneur va me donner les mots nécessaires pour m'expliquer. Alors, est-ce que je peux, parce qu'on nous dit de ne pas idolâtrer, on dit, hein. Bon, bref, vous avez compris. Qu'il faut chasser toute forme d'idolâtrie dans notre cœur et tout ça. Voilà. Seulement, voilà, aujourd'hui, j'étais un peu dérangée parce que je me posais la question. Parce que j'ai dit à mon chef qu'il faudrait qu'on fasse attention à nos finances. À nos finances. Est-ce que je me suis reprise intérieurement en me disant, mais Suzanne, pourquoi tu lui dis ça? Laisse. Demande seulement au Seigneur de disposer, enfin, de prie seulement que financièrement, qu'il ne dépense pas tout, quoi. C'est ce que je me suis dit après. Si je pouvais, si j'avais l'autorisation, je ne sais pas si je peux parler comme ça. Ma soeur Suzanne. Oui. C'est pas mauvais de donner quelques conseils à son chef. Hein? Mm-hmm. Sauf que si quand tu es idolâtre, tu le sais. Quand tu aimes quelque chose un peu trop, tu le sais toi-même, quoi. Donc, j'ai effectivement envie de faire attention. Voilà. Non, j'ai plus long. Moi, c'est mon soeur Christiane Yang. Non, c'est pas Christiane Yang. Comment Suzanne. On appelle Suzanne. Oui, mon frère. Moi, je peux te poser une question simple qui va répondre à... qui va te donner toi-même une belle réponse à ce que tu viens de faire. Je vais essayer, mon frère, par la grâce de Dieu. La question, elle est simple et la réponse aussi, elle est simple. Quand on attire son attention, là, ça veut dire qu'il y a un danger, n'est-ce pas? C'est ça. Et la personne, quand il y a un danger, comment, il est qui pour la personne? Qu'est-ce qu'il a fait? L'action qu'il a posée, là, c'est quoi en général? L'action qu'il a posée. Oui. L'action qu'il a posée pour d'attirer l'attention d'une personne concernant quelque chose. On peut attribuer quel nom à cet homme? Qu'est-ce qu'il a fait? Quel nom on peut l'attribuer? Il a sauvé, non? On peut dire. C'est une aide. Il a aidé. Il a prévenu. Qui a été une aide pour nous. Voilà, il a prévenu. C'est simple. En fait, tout dépend de la situation, hein, parce que du contexte aussi, parce qu'en fait, mon mari, enfin, je peux aussi dire que c'est un peu de ma faute. Donc, en fait, il me reproche de trop souvent le rabâcher, en fait. Souvent le rabâcher. Et j'ai l'impression que du coup, quand il m'a sorti ça, je me suis sentie un peu. J'ai dit, oh Seigneur, pardonne-moi si c'est le cas. Et il me dit que je ne me rends pas compte. Et en fait, c'est quelqu'un qui s'enflamme vite. Donc, quand je lui donne des conseils, ça l'énerve. Vous savez, l'ego des hommes, là, et tout, quand la femme commence à parler, ça ne va pas, quoi, ça les énerve. Donc, du coup, quand je lui dis une fois, c'est suffisant pour lui. Alors que moi, je sais pertinemment que même si je lui dis au moins une dizaine de fois, ça ne va pas rentrer, quoi. Alors donc, il me dit que j'arrête pas de lui rabâcher les finances. Du coup, c'est là où l'idée m'est venue. Je me suis dit, ah, ça se trouve, je suis en train d'idolâtrer l'argent, en fait. D'où ma question. Mais quand tu connais ton client, que tu sais qu'il s'enflamme vite, faut temporiser. Oui, c'est ça aussi. C'est ça. Ça. Il y a des moments, parce que tu connais ton client, tu sais qu'il ne va pas accepter, donc il ne faut pas, tu sais que ton conseil à ce niveau-là ne sera pas bienvenu, donc il faut utiliser votre sagesse. Sinon, c'est loin d'idolâtrer, hein. Non. C'était ça ma crainte, en fait. C'était ça ma crainte, parce que je demande vraiment au Seigneur. Tu le dis comment ça dépend. Si tu le dis par exemple de façon brutale, si se sent. Non, en douceur, s'il vous plaît, je ne veux pas avoir de problème. C'est ça, justement. Si tu le dis en douceur et puis quand même il s'enflamme, donc quand ton client, il faut savoir des stratégies. Il faut trouver des stratégies à laquelle il faut lui parler et puis peut-être il ne faut pas lui dire. Faut l'observer. Puis quand ça tourne mal, tu lui dis que je te regardais, peut-être que tu allais t'enflammer si je te parlais. C'est pour ça que je n'ai pas dit. Maintenant, c'est lui-même qui va dire que, mais prochainement, il faut me dire que non. Non, mais en fait, ma question était sur justement l'idolâtrie. Là, si ce n'était pas une façon de dire que j'étais. On est en train de s'approcher à une forme d'idolâtrie, quoi. Parce que avec l'argent, ça va vite, hein. Ça va vite. Ça va tellement vite. Quand on voit que le monde est tenu par l'argent, enfin, c'est l'argent qui sous prétexte. Ah, que le Seigneur nous aide. Shalom, ma soeur Carole. Shalom. Shalom, ma soeur. Shalom, frère. Bonsoir, frère Junior. Le frère Junior de son dos. Rail de falaise. Frère Junior, on a pu rencontrer, on a pu se rencontrer avec, avec le frère, comment on l'appelle, non, avec le frère, comment il s'appelle, Frédéric. Mayor. Frédéric Mayor. Et le moment était vraiment venu pour que je puisse vite le voir, comme tu avais déjà dit. Et en ce moment-là, vraiment, c'est le feu. C'est le feu, c'est la persécution, c'est le feu, et puis bon, il faut dire que ce soir-là, en tout cas, attendons-nous à tout. Peut-être bientôt, ces bagages seront ici, selon la manière. Belgique de la sainteté, bonsoir. Fort, mais... C'est Carole qui nous crée des problèmes comme ça. Est-ce qu'elle est en congé en Belgique? Le frère Benjamin, bonsoir. La sœur Carole, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, mon frère. Que la grâce, la paix, l'amour, la communion de notre Seigneur te soient multipliés. Amen. Amen. Qui est encore connecté ici? Cette machine-ci. La sœur Christiane, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Bonsoir. Suzanne Cloudon, bonsoir naturellement. Shalom, mon frère. Bonsoir, mon frère bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse. Je remarque que tous ceux de l'Europe commencent à utiliser les éventails comme on fait en Afrique. Donc, il fait vraiment chaud, que ce soit en Belgique, en Allemagne comme en Italie. Il fait chaud, pas vrai? Oui, c'est chaud. Si la chaleur africaine peut arriver en Europe, qu'adviendra-t-il quand le froid européen arrive en Afrique? La sœur Mimi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, frère Junior. À quelques 475 km des Ziguinchor. Bien positionné, n'est-ce pas? Absolument. Qui encore est connecté? Je suis désolé, la sœur. Le couple Tra, tout naturellement. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, frère Junior. Bonsoir, frère Junior. Voilà, la sœur Myriam, de l'autre côté à l'ouest. Ah ah, ben voilà. Comment va Eva Shana? Elle va bien. Elle vient de coucou. Voilà. Coucou. Coucou. Coucou, les papas, les mamans. La sœur Reine, bonsoir. Pas en indulgence ce soir, n'est-ce pas? Bonsoir, mon frère. Non. J'avoue que je vois seulement deux vidéos. La vidéo de la sœur Carole et la sœur Carrie, la sœur Christiane. La sœur Myriam, du côté des Stocks, à 70 km à l'ouest de Londres. Bonsoir et bienvenue. Je crois que cette fois-ci, elle ne dort pas, non? La dernière fois, elle a dormi, elle a oublié la connexion ouverte. Je ne sais pas si vous voyez ma caméra, mais je vois seulement la sœur Carole et la sœur Christiane. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un que j'ai dû oublier là, à saluer. Si vous le trouvez bon, à moins qu'il y ait des questions, on entre dans le sujet de la Bible. On prend un sujet de la Bible et on voit ce soir ce que le Seigneur va nous donner. Personne ne dit rien. Y a-t-il des questions? Non, plus junior. Mais la sœur Mimi n'a pas ouvert sa caméra, c'est ça? La sœur Christiane est dans l'obscurité. Est-ce qu'on peut commencer? Avez-vous des questions? S'il n'y a pas de questions, j'ai pris. J'ai pris des notes pendant que vous étiez en train de causer. J'ai pris des notes. Y a-t-il des questions? Est-ce que les gens de Belgique m'entendent? Vous m'entendez même bien? Vous m'entendez? Si, frère, il n'y a pas de questions. 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. Prenons 2 Pierre. Nous allons lire verset 11 au verset 18. Pas encore trouvé. La sœur Mimi nous suit là, du côté de Dakar. Si elle nous suit, elle lit le verset 11 au verset 18. La sœur Mimi est connectée. Oui, je n'ai pas suivi le, je n'ai pas entendu le la référence clé. 2 Pierre chapitre 3, verset 11. C'est 2 Pierre chapitre 3, verset 11 à 18. 2 Pierre chapitre 3. Ah là là. La sœur, c'est qui? Myram, son micro est ouvert. Quoi? Alors. Myriam, son... Allô? Oh, sorry. Oui? Je peux venir là maintenant? Oui. Voilà. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, non. Au moyen de la connaissance de celui qui a appelé non, par sa parole. Deux Pierre, chapitre 3. Pardon, excuse-moi. Verset 11 à 18. Merci. Alors, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Il parle de ces choses dans lesquelles il est en difficulté. Allô, je continue? Oui, jusqu'à 18. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il faut dans toutes les lettres, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, vous êtes avertis. Mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Voilà, je crois que la prochaine fois, je vais devoir lire pour ne pas avoir des distorsions comme ça. Notez le livre de Deutéronome chapitre 4, verset 9 et Hébreux 3, 12. Nous allons y faire référence tout à l'heure, Dieu voulant. Si vous ne m'entendez pas, c'est pour ça qu'il demande votre vidéo. Si vous ne m'entendez pas, faites appel. Faites-moi signe pour que je puisse savoir si vous m'entendez ou pas. Alors, Bergie dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Voilà, nous allons voir ce soir comment grandir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ou mieux encore, grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, d'accord? C'est ce qui ressort de toutes les conversations que j'ai entendues de vous aujourd'hui. Lorsque je vous suivais parler en première partie, là-bas, à l'entrée de la conversation que j'ai entendue entre la sœur Mimi et la sœur Suzanne, c'est cela qui m'est venu à l'esprit, grandir dans la connaissance. Vous voyez, effectivement, il y a eu des questionnements, comment prier, comment savoir que telle chose est de lui, comment faire, ou telle chose. C'est différents questionnements qui se posaient. En dernier lieu, la sœur Claudon pose la question pour savoir si c'est l'idolâtrie et le fait d'avoir parlé à son mari. Je crois qu'avant d'avancer dans ce thème, on va revenir dans notre texte de base, là, le 2 Pierre chapitre 3, verset 11 à 18. Et on va pouvoir nager dans les Saintes Écritures par rapport à cela. Alors avant de commencer, j'aimerais dire quelque chose à la sœur Suzanne Claudon et par ricochet à nous-mêmes. C'est que la prière, toute prière nécessite une action par la suite. Toutes les prières nécessitent des actions. Mais les actions doivent être proportionnelles, non seulement proportionnelles, bien coordonnées et organisées. Les actions après la prière. Je prends un exemple simple. Supposons que vous priez. Vous êtes censé voyager, vous priez. Et que vous ne prenez pas l'engagement pour le voyage. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui. Ok. Donc, lorsque vous priez, vous devez vous attendre au Seigneur. Mais savez-vous que le Seigneur contrôle vos mouvements et vos décisions? Amen. Et par conséquent, vous n'allez pas prier juste et croiser les bras comme ça. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, il y a la prière, puis il y a l'action après la prière. Regardez très attentivement une fois de plus. Si vous lisez Néhémie au chapitre 1 et au chapitre 2, vous pouvez voir ces genres de choses dont je viens de parler. Néhémie chapitre 1 et chapitre 2. Vous pouvez également voir le cas d'Esther. Je crois que pour Esther, vous pouvez connaître encore bien ce que je viens de dire. Voici les Juifs qui sont livrés à la mort. Le décret est sorti qu'ils doivent mourir. Ils ont décidé de prendre un jeûne véritablement et dans la prière. Après le jeûne, elle a fait l'action d'aller vers le roi, malgré que c'était interdit. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. Amen. Elle n'est pas juste restée de son côté là-bas comme ça en disant que comme nous avons jeûné, nous avons prié, le roi va sortir un décret. C'est en fait, elle est partie là-bas pour que le jeûne et la prière qu'elle a fait puissent entrer en action en fonction de la personne qui devra faire. Prenez un exemple simple, vous avez un patron qui vous dérange, ou un mari qui vous dérange, ainsi de suite. Après avoir prié devant le Seigneur, vous allez vers la personne pour que l'action des jeunes, de votre jeune et de votre quoi, prière puisse entrer en action. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Quand Néhémie a entendu que son patron, que son pays, voyant sous le Néhémie chapitre 1 et chapitre 2, quand il était le roi Antaxerxès, le long main là, lorsqu'il a entendu que le pays de ses pères était tellement désolé, il était dans le deuil, il a jeûné, il a prié. Et pendant qu'il était en train de servir le roi lui a demandé, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu n'es pas malade? Pourquoi ton visage est défait comme ça? Il dit, comment puis-je être en bon point alors que le pays de mes pères, où les sépulcres de mon père sont enterrés, comment puis-je être tranquille alors qu'ils sont ainsi? La Bible déclare, le roi dit, que veux-tu? Et que veux? La Bible déclare qu'il a rendu grâce à Dieu et puis il a avancé. Vous me suivez, n'est-ce pas? Alors que le Seigneur vous bénisse. Je vais revenir sur cette action et cette prière et l'action-là. Donc, chaque prière a besoin d'une action mesurée. L'action doit non seulement être mesurée, mais proportionnée. Gardez bien ceci, cette phrase à l'esprit. L'action doit être quoi? Mesurée. À la mesure de la prière. C'est-à-dire dans la direction de la prière. Et par conséquent, elle doit être proportionnelle aux attentes de la prière. Je vais revenir là-dessus. Ce sont des choses complexes de la Bible. Mais assez simple. Et par rapport au conseil à son mari, je crois que j'ai noté trois personnages ici. La mère de Samson, si vous lisez le livre de... Cette femme-là, vous pouvez regarder les sept bonnes femmes dans la Bible. Je crois que le moment va venir, comme certains d'entre vous me taxent de misogyne, je vais vous sortir des bonnes femmes de la Bible. Il y a des très bonnes femmes dans la Bible. Si vous regardez la maman de Samson dans le livre des Juges, chapitre 13, et si vous vous arrêtez particulièrement au verset 23 des Juges, avant la naissance de Samson, du roi Samson, de juge Samson, vous allez remarquer effectivement que c'est à la femme de Manoac, puisque son mari s'appelle Manoac, que l'ange de l'Éternel va se révéler. Et puis, va lui donner le message d'un enfant qui est censé venir au monde. Et on ne doit pas couper les cheveux ni quoi que ce soit. Boire le vin, les liqueurs forts et autres. Toutes ces choses-là. Elle rentrera dire à son mari. Et puis son mari va dire si c'est l'ange de l'Éternel qu'il vient encore. Et quand il va venir à l'issue de cela, il va offrir des sacrifices. Quand cet homme va offrir le sacrifice en compagnie de sa femme, l'ange de l'Éternel va entrer dans la flamme. Il va disparaître. Son mari va dire, on a vu l'ange de l'Éternel, on est cuit. Là maintenant, nous allons mourir. Vous savez, c'est sa femme qui l'a calmé. Sa femme qui l'a calmé en disant que si l'ange de l'Éternel voulait nous tuer, c'est qu'il nous a tués depuis. Elle a temporisé son mari. D'accord, mes chers sœurs? N'oubliez pas le cas de votre mère, Sarah, qui, à l'issue de la conception d'Isaac, et cette femme, Aga, était en train de se moquer d'elle. Et il a demandé, elle a dit que chasse cette servante-ci. Lorsque vous entendez cette parole sur chasse cette servante, quand vous lisez la Genèse, je veux que vous mesurez la portée, parce que c'est le Saint-Esprit parlant dans la bouche de Sarah. Gardez-vous ça à l'esprit. C'est le Saint-Esprit parlant au travers de sa bouche. Parce que l'apôtre Paul dit que dit l'Écriture? L'Écriture dit chasse la servante. Donc, elle ne dit pas que Sarah a dit chasse la servante. Elle dit l'Écriture dit chasse la servante. Car les enfants de la femme délaissée n'hériteront pas avec la femme qui était mariée. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et elle dit que ces deux femmes-là symbolisent deux alliances. Alors, ça veut dire que Sarah était guidée et contrôlée par le Saint-Esprit. Ce même Saint-Esprit viendra une nuit. La nuit fatidique où le prince de ce monde-ci était dans sa pseudo-victoire pour la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Un monsieur appelé Pilate sera sur son trône de jugement. Si vous lisez votre livre dans Matthieu chapitre 27, le verset 19 particulièrement. Si vous lisez Matthieu chapitre 27, verset 19, la Bible déclare, alors qu'il était assis sur son trône là-bas, sa femme lui fit dire que n'ai rien à faire avec ce juste-ci. Parce que j'ai été beaucoup tourmenté en songe à cause de lui. Vous voyez que son conseil aurait dû délivrer Pilate. Le conseil de cette femme aurait dû délivrer Pilate. Le Saint-Esprit est venu vers elle pour lui dire que ton mari va prendre des mauvaises décisions demain. Cette femme a envoyé dire à son mari, ne prends pas de décision qui pourra condamner ce juste-là. Cet homme-là qui est juste, parce que j'ai souffert en songe à cause de lui. A-t-il écouté sa femme? Donc vous voyez effectivement dans les trois cas que j'ai cités, Manoah a écouté sa femme et s'est temporisé. Abraham a écouté sa femme et a mis Agar dehors. Et vous remarquez que l'ange de l'Éternel plus tard dans le livre des Actes des Apôtres de Genèse chapitre 16, quand il va rencontrer l'ange de l'Éternel, cette femme-là avec sa fille, quand il va le rencontrer, elle ne doit pas dire que où est-ce que tu pars. L'ange de l'Éternel est dans la continuité de la répudiation de Sarah, de quoi par Sarah, parce qu'elle savait effectivement que cette femme Agar était insoumise. Donc vous voyez effectivement que tout le ciel était derrière Sarah, alors qu'elle avait dit cela. Souvenez-vous, Abraham était prophète, mais ici, Dieu lui-même a dit à Abraham que en tant que ta femme t'est dit. Autrement dit, c'est le Saint-Esprit qui en est parlé au travers de sa femme. Et dans ce dernier cas, nous voyons dans ces deux cas-ci, il y a un monsieur les trois femmes ont donné de bons conseils, sauf un monsieur il fallait que l'écriture s'accomplisse. Pilate n'a pas entendu, il a confirmé. Il a cru qu'on se débarrasse de ça en lavant les mains. Il aurait dû boire une coupe d'eau. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez, la sœur, elle est confortablement assise maintenant. Le samedi, tous sont entrés en urgence. Voilà, nous prenons dans ce livre de 2 Pierre. Belgique, j'espère que tout le monde m'entend maintenant. Vous m'entendez bien pendant qu'il parle, n'est-ce pas? Voilà. Le temps pour moi de dire un bonsoir et bienvenue au frère Jean-Marie Bikombo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous. Bonsoir, mon frère Jean-Marie. Bonsoir, frère. Aux âmes dont la patrie n'est pas reconnaissante, rejetées sur la terre, le Seigneur ouvre ses bras puissants pour les recevoir. N'est-ce pas, frère Jean-Marie? Oui. Mais est-ce que la gloire des hommes sur la terre, même l'expression de la gloire des hommes sur la terre qui est éphémère et qui est vanité, est-ce que les gens de gloire, j'espère que tu vas savoir de quoi ils sont en train de parler, n'est-ce pas? Les hommes de gloire qui donnent de la gloire pour leur pays, ainsi de suite, s'ils sont rejetés, est-ce que le Seigneur rejette les gens? Non. C'est pour montrer effectivement que cette joie que donne le football, ainsi de suite, et que les gens vibrent au ce rythme-là, ce n'est que mensonge et utopie, pas vrai? Oui, oui. Alors, dans cette lettre de deux, dans cette deuxième épître de Pierre, l'apôtre Pierre, mon grand frère, dit que c'est la deuxième épître qu'il écrit comme ça. Dans l'une et dans l'autre, il les écrit pour les avertir et attirer les saintes intelligences des choses dites d'avance par les prophètes et puis les apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'il leur avertit de tout ce qui devait arriver. Si vous le prenez à partir du verset 1 du chapitre 3. Au verset 11, donc, enfin à partir du verset 10, donc, il va donc dire, nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et de une nouvelle terre où la justice habitera. Et puis à partir de ce verset 11, il a dit clairement que puisque toutes ces choses-là doivent se dissoudre. Donc là, on nous accrochons maintenant comme matériel, ça va finir par dissoudre, va brûler. La terre attend le feu. Il dit qu'elle ne doit pas être la sainteté de notre conduite. Ça veut dire que le jour où nous attendons là, sachez donc qu'il y a un feu qui attend la terre. Puis il dit au verset 14 que en réalité, c'est pourquoi en attendant ces choses-là, j'ai comme l'impression que la sœur a passé la nuit aux gens parce que ses yeux pèsent là. Il dit, c'est pourquoi, bien-aimé, en attendant ces choses-là, appliquez-vous, gardez bien le mot appliquez-vous. Appliquez-vous à quoi? À être trouvé par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix. Soulignez, sans tâche, irrépréhensible. Et puis, je vais commenter avant on avance dans ces connaissances-ci. Notez 2 Corinthiens chapitre 3 et chapitre 4. Merci Père. Notez également 2 Corinthiens chapitre 3 et chapitre 4. Donc je t'en ai cité comme ça le livre de 2 Pierre chapitre 3. Nous sommes au verset 14. Il dit que c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui. On dit 1. Sans tâche. Soulignez sans tâche. Et irrépréhensible dans la paix. Vous voyez très bien qu'en réalité, on a tellement de sujets dans la Bible à travers. Souvent, il me met comme ça, il dit, Seigneur, on a déjà tout prêché. Qu'est-ce qu'on va encore prêcher? Et vous voyez, c'est bouleversant tout ce qui se trouve dans cette Bible-ci. Sans nous détourner du sujet qui consiste à savoir comment grandir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est quoi cette connaissance et comment grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ? Vous voyez que si on s'arrête seulement sur sans tâche, on se pose la question, comment un Dieu saint, avec nous, au milieu du péché, ose nous demander d'être sans tâche et irrépréhensible dans la paix, dans ce moment, dans ce monde bouleversant, dans ce monde où chaque jour nous sommes accusés, dans ce monde où chaque jour on raconte des problèmes, où les familles ne nous veulent pas autour de vous. Enfin, très souvent, vous voyez comment chacun de nous cherche seulement si on pouvait avoir un toit où vous habillez simple, où vous êtes simple, seul là-bas, où pensez que vous devez être en paix. Très souvent, vous entendez l'amour des chrétiens et puis la prédication, vous vous dites, oh, si on pouvait seulement se rassembler en tant que chrétien, vous vous rassemblez là-bas, Dieu va vous disperser. Vous devez goûter le sel, vous devez saler le dehors. Et c'est durant la saltation de ce dehors-là qu'on commence maintenant à savoir que le péché a de l'emprise sur nous, à confronter les tentations, à confronter tout genre de choses qui peuvent nous bloquer la vie de la foi. Par conséquent, Dieu nous demande d'être sans tâche. Qu'entend-il par sans tâche? Qu'est-ce qu'il entend par irrépréhensible dans la paix? Ici se trouve donc le standard parfait du Seigneur, là où Dieu nous attend. Très souvent, les gens pensent que Dieu va descendre à notre niveau. Que non, c'est nous qui devons monter à son niveau. Dans le livre de Matthieu, chapitre 5, le verset 48, le Seigneur Jésus-Christ a dit de sa propre bouche qu'elle était sur la terre, il dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Il n'a pas dit que, comme vous êtes pécheur, le Père Céleste deviendra pécheur comme vous. Que non, il a fait une fois pour toutes pour ôter le péché. Maintenant, il dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Vous voyez effectivement que le niveau de standard, c'est pas la perfection. Et il veut que nous quittions cet état-ci, à cet état-là. Ceci, ça se passe dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Notez le livre de 1 Jean, vous allez y méditer. Le livre de 1 Jean, notez. Vous allez lire doucement et puis je vais citer, Dieu voulant, les choses qui y sont écrites. Notez 1 Jean. Notez également, j'espère que vous en avez, s'il vous plaît, pour que ça puisse aller vite et de façon fluide. Si vous entendez, réécrivez sur le forum comme ça, quelqu'un n'est pas encore à demander que tu as dit combien ou tu as dit quoi, s'il vous plaît. Donc j'ai dit le livre de 1 Jean, il y a 5 chapitres dans ce livre de 1 Jean. De temps en temps, Dieu voulant, je vais citer les choses qui s'y référent. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 8. Le micro de quelqu'un est ouvert chez Trabi. 2 Timothée chapitre 2, verset 25. 2 Timothée chapitre 2, verset 25. Bon, le frère Jean-Marie a dit qu'il ne met pas ses vidéos, c'est comment? 2 Timothée chapitre 3, le verset 7. Voilà. Tite chapitre 1, verset 1. On n'a pas entendu. Non, il seulement dit que tu n'as pas ouvert ta vidéo. Pourquoi? Ma vidéo est ouverte. C'est vrai que c'est ma machine qui pose problème. Je m'en excuse de t'avoir accusé pour rien. Il faut qu'il soit en paix avec toi. À moins que, dans ce cas, si ce n'est pas ça, il sera répréhensible à sa venue. Alors, je peux continuer, mes frères. Vous avez noté, je vous ai demandé de noter le livre de 1 Jean. Le livre de 1 Timothée, enfin 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 1. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8. Bon, maintenant, je vais d'abord prendre deux de ces passages-là avant de revenir sur ce que tu as dit. Dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1, il est écrit là-bas que la connaissance enfle. Gardez ceci entre guillemets, on va avancer pourquoi l'apôtre Paul le dit et comprendre le pourquoi nous devons faire attention à ces connaissances-là. Dans 1 Corinthiens donc, chapitre 8, verset 1, il dit que la connaissance enfle, mais la charité édifie. Alors, dans le chapitre 8, dans le chapitre 13, verset 8, que vous avez noté, il dit qu'il y a des choses qui vont prendre fin, les prophéties, ainsi de suite. Et puis, ici, également la connaissance. Mais maintenant, ceci étant, nous allons mettre cela en pause. Gardez-vous à l'esprit, 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 1. La connaissance enfle. La connaissance enfle, mais la charité édifie. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens, chapitre 13, il dit que si vous avez la connaissance même de tout le mystère, vous avez la science de tout, c'est ce qu'il est en train de parler, la science de tout le mystère. Vous avez la foi pour jusqu'à ôter même les montagnes pour jeter dans la mer. Vous parlez de tout genre de langues, même les langues des anges. Si vous n'avez pas la charité, cela ne vous sert de rien. Ça ne vous sert absolument à rien. Ce sera comme une cymbale qui retentit. Alors, dans le livre de 2 Timothée, 2 Pierre, chapitre 3, donc, le verset 11, le verset 14 nous dit c'est pourquoi, en attendant ces choses-là, il faut qu'on s'applique à être trouvé par lui sans tâche et irréprochable, irrépréhensible dans la paix. Comment être sans tâche dans ce monde tacheté? C'est un peu comme si vous seriez dans. Vous êtes dans de l'eau, ou mieux dans une mer. Et on vous demande que vous ne devez pas être mouillé. Essayez d'imaginer cela. Vous voyez cela? Vous êtes dans la mer. On vous demande non seulement de ne pas être mouillé, mais d'être en. Et à l'intérieur se trouvent des crocodiles qui sont des ennemis. On vous demande d'être en paix avec les crocodiles. Puis le verset 15 dit: croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme votre. Alors, soulignez est votre salut. Je vais dire quelque chose là maintenant. Oui, je vous dis, à tout bout du champ, il y a des problèmes. Il y a des choses dans cette Bible, c'est tout bout du champ. Maintenant, regardez-moi, pourquoi vous avez souligné votre salut, puis je vais dire quelque chose avant de continuer. Vous voyez, dans cette phrase-ci, les personnes à qui on en est adressé ont déjà le salut qui est en Jésus-Christ. Le mot salut ne veut pas dire ici que ces personnes-ci, là, Jésus puisse passer comme ça pour qu'il soit dans le salut, que non. Gardez bien à l'esprit ce qu'on a dit dans ces passages, parce que ceux-ci sont les croyants. Vous me suivez, n'est-ce pas, frère? Alors, le salut ici ne veut pas dire que les gens, si c'est parce qu'ils n'ont pas encore le salut, il faut qu'ils nous disent le salut plus tard. On dit que la phrase veut dire, regardez, il faut que vous considérez que la patience, comme Jésus qui est patient depuis ne vient pas, c'est à votre avantage. Donc, on parle d'avantage, ce n'est pas salut en tant que bénéfice de la croix. Je ne sais pas si vous comprenez, d'après ce qu'il est dit ici. Et de croire que la patience de notre Seigneur Jésus-Christ est bénéfique pour vous. C'est plutôt bénéfique. Donc, ça dit que comme le Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore venu, c'est bénéfique pour nous, pour que nous puissions nous arranger. C'est ce qu'il en a dit. comme notre bien-aimé frère vous l'a ici écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Verset 16, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Maintenant, verset encore 17, où on va s'atteler avant de toucher le verset 18, où le sujet de ce soir est tombé. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis. Vous avez vu cela? Vous qui êtes avertis. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes. De peur qu'entraînez par l'égarement des impies. Soulignez le mot, entraînez par l'égarement des impies. Il faut qu'on développe cela. Vous venez à déchoir de votre fermeté. Remarquez très attentivement qu'on n'est on n'est pas déchu de la grâce, ou mieux de la grâce du salut, de la fermeté. Ça veut dire que, d'après ce qui est dit ici, l'apôtre Paul a mis des avertissements en exergue avec des codes de langage biblique qui peuvent prêter à confusion et donc les gens vont tordre dans différents sens. L'apôtre Pierre dit la même chose ici, que c'est la même chose qu'il a dit pour avertir les gens. Et il dit enfin que les chrétiens et les croyants, les bien-aimés qui sont avertis, ils doivent se mettre en garde de peur qu'entraînés par l'égarement des impies. Alors, vous ne venez à déchoir de votre fermeté. Ça veut dire qu'en réalité, le Saint-Esprit en train de dire ici que vous, chrétiens, ceux qui sont avertis, doivent être rigoureusement rigoureux dans la voie du Seigneur. Et un, et c'est le groupe de mots que vous avez souligné, quoi, entraîné par l'égarement des impies, on va voir ça tout à l'heure. Ça veut dire qu'il peut y avoir des situations tout autour de nous où si nous ne sommes pas fermes, ces situations vont nous entraîner à vivre une vie négligente tout autour. C'est ça, des choix. Ça veut dire que lâcher notre fermeté. Vous entendez donc un chrétien qui était ferme dans certaines voies et autres, les choses qu'on ne tolérait pas même dans notre présence, subitement, vous voyez, les gens commencent à tolérer n'importe quoi. On dit que non, Dieu va comprendre, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on tolère et le péché entre petit à petit. Vous allez voir des gens qui ont été dans la flamme de feu depuis les années 80, qui subitement deviennent négligents au point où la vie chrétienne semble être une fastidieuse. Parce qu'en réalité, peut-être ils ont tenu fin pour un temps, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et puis ils ont vu effectivement que non. D'autres personnes qui vivent les vies négligées semblent avoir de l'abondance de matériel. Ils se disent que c'est eux qui sont qui ont tort. Or, l'exemple qu'on doit prendre, c'est plutôt ceux de la Bible. On dit effectivement qu'on porte les regards sur ceux qui ont marché avec le Seigneur, ceux qui ont été le modèle dans la Bible, et regardons la fin de leur vie. Remarquez très attentivement, encore une fois de plus, il dit que prenez garde de peur qu'entraîner par l'égarement des impies. Vous avez souligné, entraîné par l'égarement des impies. Ici, il faut que chacun trouve sa part des sources d'égarement des impies. Prenons un exemple simple par rapport au football, match, novelas, TV, quoi que vous avez, Nollywood et autres là-bas. Benjamin dans la sainteté, bonsoir, vous m'écoutez? Bonsoir. Bonsoir, frère Julien. Voilà, il faut que je sache que vous allez m'écouter avant qu'il lâche des choses comme ça. Alors, remarquez très attentivement, nous sommes en train de parler de grandir dans la connaissance de Christ. Vous ne pouvez pas mettre une semence dans un sol. Vous l'arrosez à l'eau chaude et vous espérez avoir une plante. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas mettre une semence dans un sol. Vous arrosez avec de l'eau chaude et vous espérez avoir une plante normale. La loi naturelle veut que ces plantes soient arrosées par de l'eau fraîche. Vous suivez, frère? La Bible déclare qu'il faut que le cœur soit, il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par les aliments. Gardez bien ces mots encore à l'esprit dans ce livre de Romains chapitre 14. On a des problèmes, on a des sérieux problèmes à partir de ces versets-ci maintenant. Je vais parler ce soir de grandir dans la connaissance de Jésus. Grandir dans la connaissance de Jésus-Christ notre Seigneur. Tout depuis la Genèse prêche ceci. Bien tout depuis la Genèse prêche ceci. Lorsque Dieu a créé les cieux et la terre et tout ce qui se trouve, les semences et autres là-bas, et qu'il a dit que chaque plante se produit d'après leur espèce, lorsqu'on mettrait les semences au sol et que ces semences-là porteraient en eux-mêmes les propres semences qui vont reproduire, le principe de la semence, du grandissement et de multiplication était donné pour prophétiser la vie du Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un dit qu'il est en Christ et il dit ne fait que décroître, il y a un problème. Le Seigneur ne nous a pas appelé à décroître. En fait, où il n'y a pas une plante que vous mettez au sol, ça ne fait que décroître. Il n'y en a pas. Toutes les plantes, tout ce que nous semons monte. Pas vrai, frère? Amen. À moins que vous voyez un baobab qui est né, chétif, et vous voyez effectivement qu'il y a quelque chose d'anormal dans la croissance. Si les choses sont normales, si les choses poussent normalement, alors toute personne grandit normalement. Ne me dites pas que comme je suis court comme ça parce qu'il y avait un problème de croissance. Ce n'est pas ça. C'est ma taille ici. Mais je suis en train de dire qu'il y a des choses que. S'il y a des choses anormales qui entrent en scène, la taille va être obstruée. De la même façon, pour les semences que nous mettons dans le sol, si vous mettez une semence quelque part et puis vous venez couvrir cette chose-là avec de l'ombre au point où il n'y a pas la fauteuil sanitaire, la lumière du sol ne frappe pas sur les feuilles, ça ne croîtra pas comme il se doit. Parce qu'il y a quelque chose qui empêche. De la même façon, le Seigneur Jésus-Christ veut qu'on grandisse dans la connaissance, dans sa connaissance. Et même, vous le regardez sur la terre, marchant dans les Écritures, vous allez remarquer qu'il va faire des actions pour pouvoir apprendre à ses disciples, à le connaître. Vous allez voir multiples fois dans la Bible, vous allez voir effectivement que ses disciples virent et crurent. Ses disciples virent et crurent. Vous demandez que mince, il croit combien de fois? Vous voyez cela? Remarquez, je ne sais pas si vous m'entendez ce que je viens de dire. Quand à sa résurrection, vous allez voir effectivement que la Bible déclare que ses disciples se souvint que l'écriture était écrite comme ça de lui. Et il crut. On parle de ses disciples, qu'il crut. La Bible déclare, lorsqu'il a fini, quand il est ressuscité, il a montré ses mains à ses disciples. Enfin, sous les yeux le livre de Jean au chapitre 19. Quand Marie est allée au tombeau, elle n'a pas vu le corps du notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est rentrée dire à Pierre qu'elle n'a pas trouvé son corps dans le tombeau. Ils ont commencé à courir. Comme Jean était plus rapide, il est arrivé au tombeau avant lui. Et puis il est resté à la porte, il n'est pas entré. L'apôtre Pierre est entré. Il a mis le linge séparé, bien plié, mis dans les places. La Bible déclare qu'ils sont rentrés, ils crurent. Vous posez la question, c'est quel style de croyance qui marche chaque fois, il croit. Il marche chaque fois, il croit. Il voit le pain, on multiplie, après il croit. Et on parle comme ça des mêmes disciples, des mêmes apôtres que nous suivons chaque jour, que nous lisons là-bas chaque jour. Or, vous remarquez effectivement que c'était un processus que Jésus leur montrait au fur et à mesure pour qu'ils aient confiance en lui au fur et à mesure. Plus ça s'est passé, plus ils développaient dans la connaissance de la personne qui est à côté d'eux. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'en réalité, certaines personnes sont à votre côté. Pour vous qui êtes marié, ainsi de suite, vous voyez votre épouse ou bien votre époux pose un acte et à un moment donné, donc vous commencez à comprendre cette personne-là. Que cette personne aime telle ou telle chose, n'aime pas telle ou telle chose. Pourtant, dans ses habitudes, vous ne pouvez pas décrire ça d'entrée. Mais quand la personne a posé cet acte, vous commencez à comprendre ces choses. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ dit en montant ces actes-là. Les disciples vont faire un style de miracle, les disciples vont croire. Les disciples, on parle des apôtres là qui étaient proches du Seigneur Jésus. À un moment donné, ils manifestent un style de miracle, la Bible déclare qu'ils crurent. Là, à un moment donné, il dit encore quelque chose, les apôtres croient. C'est combien de croyants ils croyaient là? Ils grandissaient au fur et à mesure dans la connaissance du Seigneur Jésus. Notez Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5. Voilà. On peut avancer. Donc, je recommence encore le groupe de mots que vous avez souligné dans ce livre de 1 Pierre chapitre. Dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 17. Il dit que vous donc, qui êtes avertis, gardez bien le mot à respect, qui êtes avertis, il dit prenez garde, prenez donc garde de peur qu'entraînés par l'égarement des impies. Je pose donc la question, quelles sont les choses qui viennent dans ta vie ou même que tu as associées dans ta vie qui peuvent te pousser à être négligent vis-à-vis de ta vie chrétienne? Voilà l'égarement des impies. Et remarquez très exactement, l'égarement des impies. Ça se passe, ce sont les choses qui viennent sous l'inspiration des païens. Vous pouvez mettre football, série télévisée, n'importe quoi, quelle distraction que vous pouvez mettre, l'égarement des impies. Le but ultime, et je vous ai toujours dit cela dans les enseignements, Satan peut faire sortir n'importe quoi sur la terre, la Cannes, vous appelez pas, les cérémonies de Cannes. Ce n'est pas pour infester le monde, c'est pour, le but c'est les chrétiens. Alors, quelles sont les choses qui font à ce qu'on puisse être des choix de notre fermeté, ou mieux encore? Quelles sont les choses qui, depuis nous sommes dans le Seigneur, nous étions fermes et que maintenant, nous ne sommes plus fermes. Qu'est-ce qui s'est passé? La sœur Mimi est en train de bouger son micro. Je crois qu'elle est en train de prendre un peu de café là. Elle nous entend. Yeah. chercher l'éternel. Oh, pour apparence des hommes, la crainte de ton enfant sur mon cœur, Père, au nom de Jésus. C'est bien maintenant, n'est-ce pas? Amen. Voilà, donc les groupes de mots dont vous avez souligné dans ce livre de 2 Pierre chapitre 3, le verset 18, le verset 17, des peurs qu'entraînées par l'égarement des impies. Gardez bien ceci à l'esprit. Je vous pose donc la question, nous devons nous poser la question, parce que la Bible déclare que des peurs qu'entraînées par ces égarements des impies là, nous venons à déchoir de notre fermeté. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent nous entraîner à ce que les choses sur lesquelles nous tenions fermes. Vous voyez, il y a des gens qui fréquentent, des gens qui ont eu sous l'influence des camaraderies et autres là-bas, commencent à négliger certaines choses chrétiennes parce qu'en réalité, ils ont été influencés. Donc, le Saint-Esprit vient de nous parler ici des influences qui peuvent nous pousser à nous déconnecter de Christ d'une certaine façon là où nous étions connectés. Verset 17 encore. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis. Donc, maintenant, vous avez toujours d'enseignements. Vous avez toujours des choses pour montrer les différentes tactiques de Lucifer. Vous n'avez plus de choix devant le Seigneur que de tenir ferme. Et donc, il dit donc que vous, donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes. Vous voyez cela? Mettez-vous sur vos gardes. Nous allons venir dans un autre enseignement, dans ce cadre-ci, sur les mises en garde aux chrétiens modernes, aux chrétiens de la fin des temps. Il dit, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne venez à déchoir de votre fermeté. Donc, le Seigneur s'attend à ce que nous soyons fermes dans ses voies. Et la Bible déclare à celui qui est ferme dans ses voies, tu assures la paix. Vous voyez cela, n'est-ce pas? La paix parce qu'il se confie en toi. Ça veut dire qu'ici, les impies viennent pour challenger notre confiance dans le Seigneur Jésus. Challenger. Cette fermeté-là, ça veut dire que si nous sommes fermes dans le Seigneur, ça veut dire que nous faisons confiance en lui de façon aveugle. Alors, c'est pour cela que vous allez effectivement que c'est la même tactique que Satan a utilisée dans la Genèse. Quand il vient, quand vous tenez ferme à la parole, il vient pour vous questionner ses paroles. Ils vont voir, as-tu déjà vu les contradictions ici dans la Bible? Pourquoi ici à la croix, les deux sont dit que c'est les deux qui ont insulté, alors qu'ici on parle que c'est le singulier. Il se trouve à la croix. Au lieu de se concentrer sur Jésus, il se concentre sur les bandits. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Après, il va aller dans la Bible, il va dire que mince, Jésus a fait telle ou telle chose, il avait dit telle chose, mais pourquoi telle chose s'est passée comme ça? Les pieds d'achoppement. Et vous voyez effectivement que quand ils font comme ça, il vous injecte les semences sataniques et pour rentrer dans la méditation, petit à petit, vous commencez à décroître avec la Bible. Voilà ce que Satan fait. Prenez garde des peurs que. Souvenez-vous de ceci. Tout mondain qui vient vous confronter avec la parole, il est d'abord disqualifié par cette parole-là parce que la parole ne lui a pas été donnée d'être annoncée quoi que ce soit. Que la Bible soit fausse au plus haut point, c'est à vous de lui expliquer le pourquoi c'est fausse. Que ça soit vrai au plus haut point, c'est à vous de lui expliquer parce que la Bible a dit que c'est vous qui êtes la lumière du monde. Le simple fait qu'il soit dans le monde, il est disqualifié. Qu'il soit un littéraire, un docteur en écriture, un linguiste, ici il ne s'agit pas de langue et de langues. Il ne s'agit pas de stylistique ici. Ici il s'agit de la lettre de l'esprit. Alors si c'est la lettre de l'esprit, lui il est dans les ténèbres. Et s'il est dans les ténèbres, c'est à toi de lui expliquer. Quel que soit comment il est versé dans la connaissance livresque, quel que soit le fait que vous ne pouvez même pas expliquer un seul mot, mais vous avez l'esprit de votre Père qui peut parler au travers de vous pour éclairer. C'est donc pour cela que la Bible déclare que vous êtes la lumière du monde. Il n'a pas dit que certaines parties du monde peuvent vous éclairer, que non. Il dit vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise parmi les hommes. Vous êtes le sel de la terre. Donc même si vous ne comprenez pas un verset biblique et qu'un musulman vient là-bas pour essayer de vous expliquer, dit que malgré tout ce que tu expliques soit, semble-t-il vrai, tu es quand même dans les ténèbres. C'est ici que dit les Saintes Écritures. Vous suivez, n'est-ce pas? Amen. Voilà, on peut continuer. Je recommence encore ce groupe de mots avant de commencer. Des peurs que vous donne bien-aimés qui êtes avertis, prenez garde. Mettez-vous en garde. Prenez garde à vous-même. Où est-ce là? Il faut que vous preniez votre. Mettez-vous sur votre garde de peur qu'entraînés par les impies. Où est-ce là? Par l'égarement des impies, vous devenez à déchoir de votre fermeté. Donc, souvenez-vous, la Bible nous avertit que vous qui êtes ferme, vous qui êtes les bien-aimés, le monde va faire tout et tout pour vous déconnecter de Christ. Je crois que c'est aussi simplement et clairement comme ça. Maintenant, puis. Au verset 18, il dit, écoutez bien, il donne la solution. Comment prendre garde et comment éviter d'aller dans le sens de l'égarement. Il dit, mais croissez. Donc, Dieu dit, que vous le voulez ou pas, vous qui êtes bien-aimés, vous devez croître. Vous avez vu cela? Mais croissez, pas n'importe comment, dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Et que Berger dans la sainteté dise Amen. Amen. Amen. Maintenant, la grande question se pose. Parce que ici, le Saint-Esprit a posé une question. Enfin, le Saint-Esprit a soulevé un diagnostic dans ce qui nous arrive tout au long de notre jour. Puis il a donné la solution de sortie. Maintenant, il dit, en réalité, si on se met en garde, si on prend attention, la sœur Christiane commence par dormir là. Hein, si on se met en garde, on va remarquer qu'en réalité, à côté de nous se trouvent des gens qui sont là pour nous déconnecter du Seigneur Jésus. Les conseils vont nous déconnecter du Seigneur Jésus. Les remarques néfastes sur Jésus vont nous faire pour nous déconnecter de lui. Puis la Bible déclare ici que vous devez croître dans sa connaissance, dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Notez 2 Pierre chapitre 1, versets 1 à 8. 2 Pierre. Le chapitre 1, versets 1 à 8. Et je vais vous citer le livre de 2 Pierre chapitre 2 cette fois-ci, versets 19 à 20. Ah mon Dieu, ça commence à aller là maintenant. Maintenant, regardez. Puisque nous sommes dans 2 Pierre, faisons un détour dans le chapitre 2 maintenant, versets 19 à 20. Je crois qu'il faut que la sœur Christiane lise le compte pour que le sommet puisse partir. Il ne faut pas que le sommet vienne te déchoir de ta fermeté ce soir, d'accord? Amen, amen. Courage. Donc, lis-nous le verset 19 et 20 alors. 2 Pierre 1, verset 19, c'est non, ça? 2 Pierre chapitre 2, verset 19 à 20. 2 Pierre. Ils leur promettent. Allô? Oui, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Nous allons revenir avec beaucoup de choses. C'est bon. Il n'aurait pas fallu qu'ils s'engagent là-dedans. Nous allons revenir dans ces sujets-ci concernant les gens qui se retirent, promettent la liberté et sont captifs. Mais regardez ce que le verset 20 dit. Regardez bien. On dit, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous avez vu cela? D'après ce que le Saint-Esprit vient nous montrer là, le Saint-Esprit nous montre que plus vous connaissez Jésus, plus vous vous détachez du monde. Plus vous vous détachez des souillures. Vous avez remarqué cela? Regarde encore le verset 20, Marcel. En effet, si après s'être tiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Donc c'est encore très grave, ils n'ont même pas encore connu. Donc oui, effectivement, que plus vous connaissez le Seigneur Jésus-Christ, plus automatiquement vous vous débarrassez des choses du monde, n'est-ce pas? Et c'est évident. Plus la semence que vous mettez en terre pour le cas de noyaux de mangue ou bien noyaux de prune, si vous remarquez très attentivement, plus la chose croît, plus le noyau de mangue, quand vous mettez sa semence au sol, plus ça croît, plus vous remarquez, à un moment donné, ça sort avec l'ancien noyau. L'ancien noyau devient vert au fur et à mesure, plus au fur et à mesure que ça croît et puis ça tombe finalement. Donc au fur et à mesure, votre ancienne nature, notez Éphésiens chapitre 4. Waouh. Éphésiens chapitre 4, verset 13, puis le verset 17 à 29. Nous allons lire le verset 13 tout à l'heure, le verset 13 seulement. Maintenant, regardez très attentivement. Je disais donc que quand vous mettez une semence à terre, quand la semence pourrit, ça se débarrasse de l'ancienne nature pour pouvoir croître. N'est-ce pas, mes chers frères? Et ici, le Saint-Esprit nous dit que ces personnes-ci qui promettent la liberté, alors qu'ils sont eux-mêmes captifs de ce qui a triomphé d'eux, il dit qu'ils se sont retirés des souillures du monde par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, effectivement, comme ils sont retirés, ils n'ont pas eu le temps de grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Par conséquent, ils sont tombés rapidement. Et Dieu nous dit ici, dans le livre des deux pieds que nous avons lu aujourd'hui au verset 18, qu'il faut qu'on prenne garde de telle enseigne qu'on ne puisse pas revenir rapidement comme ça. Mais on doit grandir dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus. La grande question c'est, comment grandir dans cette connaissance-là. Mais avant cela, avant de prendre cette question, il faut que nous voyons que c'est une prière ultime du Saint-Esprit et une volonté parfaite de Dieu que nous grandissons dans la connaissance de Christ. En fait, si vous m'écoutez maintenant et que vous voyez effectivement que ça fait 9 mois que vous êtes converti, observez seulement votre communion avec la parole, comment vous avez grandi. Observez seulement. Il y a plusieurs moyens mis à disposition de notre Seigneur par notre Seigneur Jésus-Christ pour grandir en lui. Il y a des choses que vous, quand vous regardez, vous tourniez, quand vous aviez un mois de la foi, ce que vous pensiez, vous voyez effectivement que c'est, toutes ces choses sont derrière vous. Vous voyez que vous avez progressé. Vous avez progressé. Nous progressons, nous arrivons. La pluie arrive. Nous allons marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit, littéralement. D'accord, frère? La pluie arrive. Amen. J'ai vu certains d'entre vous dans la pluie. J'ai vu la pluie sur vous. Voilà. Bon. Regardons ici. Éphésiens chapitre 4, verset 13. La pluie arrive. Vous serez dans la pluie, imbibé. Au point où vous saurez effectivement que vous êtes mort pour ce monde-ci. Attendez cette pluie. Ça arrive. Regardez. Au suivi, vous pouvez entendre seulement la voix là-bas. Vous savez, ça se boue en haut là. Ça boue. Éphésiens chapitre 4, verset 13. Soupirez seulement après cela. Dites-lui seulement que cette pluie-là vient avec vous. Que non, je vous ai. Éphésiens chapitre 4, verset 13. Qui va lire alors? C'est là où le frère Benjamin entend, va savoir vraiment que c'est. Quand vous restez tranquille comme ça, ça boue en vous comme Jérémie. Alléluia. Éphésiens chapitre 4, verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà. Donc, ouais, effectivement, que, afin que nous... c'est bon, ma soeur. Vous voyez, depuis le verset 11, le Saint-Esprit dit qu'il a donné les apôtres et autres là pour le perfectionnement. Il dit que le but pour lequel ils sont là, c'est pour perfectionner jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la statue, à la connaissance du Fils de Dieu. Oui. Vous demandez à n'importe quel chrétien maintenant que qui est Jésus. Il vous dira quoi, frère Benjamin? Qui est Jésus? Bon, son micro a tapé froid. La sœur Carole, qui est Jésus? Terrible. C'est notre sauveur et Seigneur, mon frère. Mmh, c'est ça. En dehors de ça, qui il est? La sœur Christiane, qui est Jésus, notre Dieu. Seigneur? Il est Dieu. En dehors il de est ça, notre Père. Ça, c'est clair, il est notre Père. En dehors de ça, il est Dieu. Il est Dieu. La sœur Mimi, qui est Jésus? Mimi, elle ne veut pas prononcer, elle ne veut pas dire qu'il est fils de Dieu parce qu'elle est dans un territoire arabe. Non, j'ai dit il est Dieu, fils de Dieu. Il est fils de Dieu. Alors maintenant, regardons encore le verset 13 ici. Le frère Frédéric Maillot, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, frère. Bonsoir, mes frères et sœurs. Je crois que c'est à toi, il avait posé la question une fois ici quand nous voyons un enseignement, je ne sais pas en quel mois ou quelle année. Tu avais parlé de persécution, n'est-ce pas? C'est d'arracheter le temps. T'as racheté le temps. Toi-même, tu as même gardé même le... J'ai écouté ça aujourd'hui. Tu as écouté. Qu'est-ce qu'il y avait dit là-dedans le concernant? C'est textuellement ce qu'il a dit à mon épouse. C'est mot pour mot ce qui est en train d'arriver. Mm-hmm. C'est arrivé comme si c'est dessiné. Je ne sais pas comment on dit ça. Comme si c'est un peintre qui regarde et dessine trait pour trait. Oui. Tu as dit c'est dans quel enseignement? Racheter le temps. Comment racheter le temps? Ben, juste à la sainteté. Oui, qu'est-ce qui était dit à ce jeune garçon à ce moment-là, Frédéric là? Ça a été dit, bon, lui-même, je ne sais pas si c'est celui-là, il a dit d'aller écouter encore aujourd'hui. Tout à l'heure, on a parlé avant l'enseignement. Oui. Il était en train d'exhorter un peu, et puis on a parlé avant l'enseignement. Je lui ai dit d'aller réécouter les mots qui ont été dits dans l'introduction. Ça dit, quand il a fini de poser la question sur pourquoi Paul a dit, Seigneur, après cela, il y a une brèche qui était ouverte. Tu lui disais comme ça que est-ce qu'il est, jusqu'à où il peut arriver avec le Seigneur? Oui. Et est-ce qu'il est prêt à supporter la persécution jusqu'à ce que même ils vont mettre ses affaires dehors, tout ça? Oui. Est-ce qu'il est prêt à supporter cela? Qu'est-ce qu'il avait dit le jour-là? Il dit oui. Ok, bon. Donc, le frère Frédéric Maillot, bonsoir et bienvenue. Tu es invité par notre bien-aimé frère à aller écouter. Écoutez très attentivement une fois de plus ces choses-ci. Très souvent, et je crois que ce sera désolant pour les chrétiens de ne pas connaître ces choses-ci. Souvenez-vous de la mec, je vais arriver. Moi, je suis ici, chacun porte sa croix. D'accord? On va prier pour lui. Et il y a une solution par rapport à cela, parce qu'il y a quelque chose que Dieu en a voulu faire avec lui concernant cette affaire-là. C'est pour toucher sa famille, sa propre famille. Parce que ça a amené un réveil dans sa famille. Voilà pourquoi cette persécution s'est amenée. C'est pour amener le réveil dans sa famille. Pour que les gens reviennent. Mais frère, comment, si on pouvait vraiment parler après, c'était bon après. Quoi. Non, c'est votre réunion en fait de Belgique. Après ici, il vient m'occuper de ma femme. Frédéric Maillot, ferme ton micro. Ne nous persécute pas aussi avec tes bruits. Ouais. Donc, c'est avec. Demandez à Maillot de fermer son micro. C'est avec les Belges qui vont se réunir, parce qu'il a été dit qu'ils se réunissent et le Saint-Esprit va parler au travers d'eux. Je ne suis pas un Belge. Voilà. Donc, c'est entre vous là-bas. Alors, dans ce livre d'Éphésiens, chapitre 4, le verset 13, après avoir dit que Jésus est le Fils de Dieu, regardez bien ce qui est écrit ici. Alors, c'est que tous les chrétiens savent. Ça, c'est pas cette pluie que j'entendais tout à l'heure, c'est pas celle-ci, mais il y a la pluie réelle qui arrive, donc au sens spirituel du terme, d'accord, ça arrive, c'est pas celle que vous entendez là. Alors, ce qui t'en est dit, c'est que si vous demandez à n'importe quel chrétien sur terre que qui est Jésus, vous dites Jésus est le Fils de Dieu, parce que c'est en ce temps-là qu'il est venu. Mais le verset 13 dit, après que les uns soient donnés comme apôtres, prophètes, évangélistes et autres là, la Bible déclare que c'est pour le perfectionnement des saints, verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Ça veut donc dire que le renseignement que nous avons en tant que Jésus, Fils de Dieu, n'est pas suffisant. Parce que la Bible déclare ici là qu'on doit nous perfectionner dans cette connaissance-là. Vous devez connaître vrai qui est le Fils de Dieu, la vraie. Vous me suivez, frère? Non, qui est Jésus, Fils de Dieu? Qui est Jésus? Il est Dieu. Qui est Jésus, notre Sauveur? Qui est Jésus, notre Rédempteur? Qui est Jésus, notre... Où parlez? La Bible déclare dans 2 Pierre chapitre 3, verset 18, qu'on grandisse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous allez voir que c'est l'une des grandes prières de la Bible. Allons dans le livre de Colossiens, au chapitre 1. J'espère que la pluie, si c'est... Vous entendez les bruits de pluie, n'est-ce pas? Oui, c'est le ici aussi, hein. Ok. Il y a de l'orage ici aussi. Il y a de l'orage là-bas. Je prie que le Seigneur secoue les cieux et que les écluses s'ouvrent et que ces eaux qui tournent, vous savez, son trône là, il y a une eau limpide là-bas. Quand il déverse ça sur vous, ça vous nettoie, c'est l'électricité qui passe dans votre cœur. Je prie qu'il déverse cette eau là sur vous. J'arrive, on arrive. Le monde, j'ai vu dans un endroit, je ne savais pas où je prêchais, mais je remarque que je suis quitté de l'aéroport. Quand je suis quitté de l'aéroport, entré dans un pays, quand il prêchait, j'ai vu l'apôtre pour cette tenue là-bas, il a dit que fais comme j'ai fait. Et puis j'ai imposé les mains. Le Saint-Esprit marchait dans tous les corps là-bas. C'était fort. On arrive. Je ne sais pas dans quel pays où ça va se retrouver. Que Dieu nous vienne en aide. Alors Colossiens chapitre 1, à partir du verset 1, Colossiens. Belgique dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Voilà. Lisons les versets 1 à 10 et pour découvrir encore la connaissance du Seigneur Jésus là. Le besoin de cette connaissance là. Vous voyez, le temps que vous trouvez cette Colossiens chapitre 1, ce sont ces choses qui font à ce que, quand nous prions, nous ne savons pas s'il nous répond. Quand il nous répond, on ne sait même pas si c'est lui qui parle. Parce que quand vous priez, Seigneur, parle-moi. Quand il vous parle, une autre pensée encore vient. Peut-être ça va être Satan qui a de me tromper. Il faut maintenant encore prier pour avoir que, Seigneur, est-ce que c'est vraiment, vraiment toi? Il dit, c'est vraiment, vraiment moi. Tu dis encore que non. Seigneur, si c'est vraiment toi, et que ce n'est pas Satan, fait encore comme ça. Vous voyez là où on se retrouve aujourd'hui, parce qu'on ne le connaît pas. En réalité, lorsque la soeur Mimi se trouve comme ça, si elle est dans sa chambre, si c'est sa fille qui dit bonsoir maman, elle sait que c'est sa fille automatiquement parce qu'elle connaît sa voix. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Si vous avez des caniches ou bien des chiens, pour ceux qui ont fait avec les animaux, quand vous venez, vous parlez, votre animal bouge directement le corps pour montrer effectivement qu'il reconnaît là la voix de son maître. Alors, grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ va nous donner à voir. On a des problèmes. Là, on va voir le vous voyez, le frère Maillot nous crée des problèmes ici. C'est désagréable dans les oreilles. Il nous crée des problèmes. Je crois que ce sont ces effets qu'il met dehors comme ça. Vous voyez, c'est parce qu'il tire ça au sol, quoi. Ah, le frère Jean-Marie, dis-nous, tu disais quoi? Le frère Jean-Marie, tu parlais tout à l'heure. Trop de bruit là. Ouais, c'est vraiment trop de bruit. Il a de tirer ses effets au sol, quoi. Oui, frère Jean-Marie, on t'écoute. Vous m'entendez? C'est sûr, ça. Je disais que c'est là qu'on va entendre réellement sa voix, quoi. Voilà. Donc, au fur et à mesure que vous connaissez votre Seigneur, vous connaissez ses façons d'agir. Vous connaissez ses façons. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose pour que vous compreniez ces choses-ci. J'aimerais bien qu'on soit clair sur une chose. Vous prenez tous les prophètes de la Bible depuis la Genèse. Dieu n'agit pas avec deux personnes de la même façon. Les moyens de communication, les moyens de révélation, ce n'est pas identique. N'est-ce pas, mes chers? Observez même quand le Seigneur Jésus est venu sur la terre. La façon dont il appelle les disciples et la façon dont il les envoie, c'est différent. Ceci devrait nous faire comprendre que nous devons, quand il nous dit de grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, ça suppose qu'il allait nous parler de profiner, travailler. Appliquons-nous à travailler notre intime. Mais il y a la sœur Clodon, est-ce qu'elle est encore d'embrancher ici? La sœur Clodon est là. Pour cela, vous avez des outils sur Bamba Eba à vous aider à continuer là-dedans. Il y a l'intimité dans la parole. Il y a... Laissez-vous gouverner. Pour oui. Mon frère, je suis là, pardon. Oui, J'ai eu un petit bleu. Oui, si ton chef, il est là, il ne faut pas trop bavarder, quoi. D'accord? Alors, non, je suis dehors, mais j'écoute attentivement. Écoute attentivement, ma soeur. Donc, il y a l'intimité dans la parole, puis il y a laisser gouverner. Je ne sais pas s'il y a la deuxième partie, laisser gouverner par la parole. Sinon, s'il n'y a pas... Il va falloir qu'on en enseigne dessus. C'est laisser gouverner par la parole. Remarquez très attentivement que lorsque vous êtes baigné par la parole, la voix de Dieu parle au travers de la parole. C'est-à-dire que vous entendez celle de sa voix. Sa voix peut venir de façon audible dans votre cœur. Mais très souvent, et à 99%, il dépose sa pensée en vous. C'est ça le vrai problème. Il dépose sa pensée. De telle enseigne que si vous lisez le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 7 jusqu'au verset 16, vous allez remarquer effectivement que l'apôtre Paul dit là-bas que nous avons la pensée de Christ. Parce que votre esprit a été nettoyé, votre cœur a été nettoyé au point où, quand vous voulez prendre une décision, c'est Christ qui prend la décision en vous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous m'entendez, frère? Amen. Maintenant, amen. Comment on fait pour parvenir à ce niveau-ci? Ici, Ephésiens chapitre 4 nous dit clairement que les enseignements sont là pour perfectionner. Et l'un des enseignements que nous avons vu ce soir, c'est que nous allons vérifier le style des films que nous voyons. Que tous les films inspirés par les impies, vous devez mettre ça de côté, sinon ça va vous déconnecter de Christ. C'est ce que nous avons vu, n'est-ce pas, Belgique, dans la sainteté. C'est vrai. Ça. Que Anderlecht contre Lille, que si nous passons le temps là-bas, on le passe le temps dans les saintes paroles, ils vont nous déconnecter de Christ. Parce qu'en fait, cela ne nous propulse pas vers la connaissance de Christ, mais plutôt nous déprogramme et nous désoriente de Christ. N'est-ce pas, mes chers frères? Alors vous donc qui êtes avertis, dit la Bible, bien-aimé, mettez-vous sur votre garde. De peur qu'entraîné par l'égarement des égards, vous n'oubliez ce que cette voix-ci imprime ces versets dans votre esprit. Dans ce livre de 2 Pierre chapitre 3 verset 17 que nous avons lu, il dit, de peur qu'entraîné par l'égarement des impies. Gardez-vous le mot encore, égarement des impies, vous ne venez à déchoir de votre fermeté. Ça veut dire que si les gens vous entraînent dans cette direction-là, quand vous êtes ferme, remarquez très attentivement qu'il faut un travail spirituel fort pour pouvoir se détacher des choses de ce monde-ci. Et vous n'allez pas vous laisser berner comme ça, vous pouvez vous lâcher toutes ces choses-là, tout le travail que vous avez fait pour retomber dans ces anciennes choses-là. Alors, il faut qu'on travaille, on aille de perfection en perfection, n'est-ce pas, mes chers amis? Amen. Colossiens 1, chapitre 1. Colossiens chapitre 1, verset 1 à 10. Les versets 9 et 10 vont nous intéresser. Je crois que la sœur Mimi, sa connexion est stable, mais d'un peu lire. Sans sauter des mots, bien sûr. Parce que ça, c'est l'étude de risque, ça. Si tu sautes des mots. Parce que je ne vois pas. Ok. Bien. Tu risques de sauter des mots. Colossiens, donc chapitre 1, de 1 à 10, c'est bien ça? C'est exact. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée. Aux saintes et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. et nous ne cessons de prier pour vous. Avant, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître, il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Jésus, de Christ, et que nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur, lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Amen. Non, c'est bon, jusqu'au verset 10. Vous avez vu, regardez l'état des chrétiens de Colosse. L'apôtre Paul dit, le jour où ils ont été informés de leur charité et de leur foi en Jésus-Christ et de leur charité pour tous les saints, quand ils ont été informés parce que Epaphras est venu là-bas donner le compte rendu, il dit qu'il ne cesse de prier pour eux. Et il prie que Dieu qu'il soit rempli de la connaissance de sa volonté. Donc vous voyez effectivement que les gens qui étaient à ce niveau-ci ont prié encore pour eux, pour qu'ils connaissent encore bien, on dit en toute sagesse spirituelle, pas qu'ils fréquentent beaucoup pour connaître les lettres grecques, que non. On dit toute sagesse et toute intelligence spirituelle, c'est pas qu'il écrit là-bas, frère. Et on prie enfin au verset 10 encore, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, virgule, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Lorsque quelqu'un ne connaît pas Dieu dès la base, il ne comprend pas pourquoi il pêche. Plus vous commencez à connaître Dieu, vous le connaîtriez d'abord dans son amour, puis dans sa sainteté. Quand vous connaissez Dieu dans son amour, vous allez savoir qu'il vous aime et vous allez vouloir donc partager cet amour-là avec lui et lui restituer son amour. Et là, devant vous se trouvera quelqu'un qui est saint. Vous saurez que vous êtes pécheur. Et quand vous saurez que vous êtes pécheur, vous allez commencer donc à apprendre ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Et quand vous commencez à comprendre la crainte de Dieu, vous comprenez effectivement que son statut à lui ne change pas. C'est nous qui devrions changer. Nous cherchons donc les voies et moyens maintenant pour lui être entièrement agréable. Je crois que il y a notre enseignement là-bas sur Bamba Iba, comment être agréable à Dieu. Être agréable à Dieu, quelque chose comme ça là. Voilà. Alors, oui, cherchons ce qui est quelque chose qui est agréable au Seigneur. Alors, lorsque nous confrontons devant cet être-là, ce gigantesque être en homme qui est totalement grand, au point où notre mot grandeur n'a pas de signification devant sa grandeur, nous nous retrouvons effectivement que son amour se rabaisse jusqu'à nous, pauvre poussière. Et on commence à comprendre donc l'immensité de cet amour. Quand on commence à comprendre l'immensité de cet amour, on mesure donc comment faire pour l'aimer. On voit qu'il a dit effectivement que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et la Bible nous enseigne donc que la crainte de l'Éternel, donc c'est quoi? S'éloigner du mal. Donc en réalité, le Seigneur dans les cieux, qui se croise les bras, nous regarde sur la terre, il nous dit qu'une seule chose. Vous m'aimez, vous dites mais. Vous m'aimez, vous dites mais. Éloigne-toi du mal. Voilà le résumé de la Bible. Parce que la Bible déclare que l'amour de Dieu consiste à marcher d'après ses commandements. Ses commandements ne sont pas pénibles. Et Jésus, notre Seigneur, va dire dans le livre des Jean, au chapitre 14, versets 23 à 26, il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Tu l'aimes? Oui. Garde sa parole. Et sa parole est sainte. Sa parole est sainte. Il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et quand vous allez garder sa parole comme ça, là, il dit, le Père l'aimera. Nous viendrons chez lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alors vous commencez à comprendre que plus vous vous éloignez du mal, et en fait, vous ne pouvez pas vous éloigner du mal étant stagnant, parce qu'il n'y a pas façon de s'éloigner du mal sans être avec le Seigneur Jésus. Parce qu'il y a deux voies. Je ne sais pas si vous comprenez. S'il y avait une possibilité d'avoir une limite entre les zones de ténèbres et les zones de lumière, s'il y a l'obscurité dans quelque part et la lumière quelque part, et vous vous trouvez au milieu, si vous vous éloignez des ténèbres, forcément vous allez dans la lumière. Pas vrai, frère? Amen. Alors, donc, s'éloigner du mal, ça suppose que vous vous rapprochez de Dieu. En fait, ce n'est que lui qui peut nous attirer au fur et à mesure. Sa sainteté nous attire. Et plus nous vivons dans la sainteté, plus nous éloignons de la lumière, des ténèbres. Et par conséquent, nous allons commencer à comprendre les choses qui font mal à Dieu, les choses que Dieu ne veut pas de nous. Je ne sais pas si vous comprenez, mes frères. Oui. Grandis donc en clair dans la sainteté, dans la connaissance du Seigneur, revient à dire, dans une autre terminologie biblique, recherchez la sainteté. Amen. Vous voyez, là, on tourne, on arrive là maintenant. Oui. Donc, en réalité, grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire grandir dans la sainteté. Vous voyez? Alors, vous allez remarquer donc que tous ceux de la Sainte Écriture qui sont arrivés à ce point-ci, ce sont des gens qui, à un moment donné de leur vie, ont marché totalement. Ils craignaient Dieu d'une certaine façon. Et quand drastiquement Dieu les a amenés à leur niveau, tout ce qu'ils regardaient derrière, ils ne regardaient plus cela comme des gains. Enfin, prenez le cas de l'apôtre Pierre, prenez le cas des actes de l'apôtre et l'apôtre Paul particulièrement. Il dit ce qu'il regardait dans le monde comme les choses importantes. Il les regarde maintenant comme quoi, frère? Philippiens chapitre 1, verset 8 et 9. Frère Jean-Marie, je t'aime. Moi aussi, mon frère. Il y a une sonnerie qui en est de frapper pour dire qu'il y a une mauvaise nouvelle qui vient dans un coin reculé de ce pays-ci, te concernant. Donc, que rien ne vienne te faire paniquer, d'accord, frère? C'est une nouvelle. Cameroun? Oui. Colossiens, Philippiens, chapitre 1, verset 8 et 9. Yes. Je vous aime, mes chers frères, je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Nous aussi, mon frère, on t'aime très fort. Mon frère Benjamin, il y a quelque chose aussi qui arrive que tu ne dois pas assister. Tu ne pourras pas assister à cela. Mais c'est désolé. Ce n'est que partie remise, d'accord? Il m'adresse au frère Benjamin, mais il regarde comme ça, il est en train d'imaginer. C'est parce qu'il regarde là-bas. Bon, restons dans la parole, grandissons dans la connaissance du Seigneur. Donc, Philippiens chapitre 1, verset 9, 8 à 9, avant que vous ayez dit qu'il y en annonce que les malheurs, qu'il ne voit pas les choses bonnes qui sont arrivent. Quand les choses bonnes arrivent, on en avertit parce que quand c'est bien, tout le monde est là. Mais ce sont les choses qui sont à la main qui peuvent nous faire secouer. Pas vrai, ma chère Christiane? Problème expliqué tout à l'heure. Vous savez, la Bible déclare que le cœur connaît son propre chagrin. C'est chacun qui comprend sur son corps. Quand ça te touche, même si quelqu'un dit que ma soeur, sois forte, prends tel verset. Tel verset dit que ton cœur ne se trouve pas. Dans tous les versets où les gens ont la Bible, ça se trouve de la même façon. Mais que Christ notre Seigneur vient à ton cœur, vous allez savoir le pourquoi telle chose est arrivée. Et là, vous commencez à comprendre que, Seigneur, je te rends grâce. Oui, toutes ces choses que nous sommes en train de faire, c'est pour approcher notre cœur auprès du Seigneur. De telle enseigne que lorsque quelque chose est en train d'arriver, remarquez très attentivement. Ah non, ne parlons pas de cela. Regardez, si on vous rapproche, on rapproche votre cœur du Seigneur. Au fur et à mesure que vous vous rapprochez du Seigneur, vous commencez à ressentir cet amour du Seigneur. Et par conséquent, vous vous concentrez sur le Seigneur, non sur votre douleur. Et par conséquent, vous allez vous rapprocher du Seigneur pour être aimé davantage et connaître son amour. Toutes ces choses-là qui sont les mots tout autour de nous, ce sont les moyens par lesquels Satan utilise pour nous garder dans la chair. Et donc, grandir dans la sainteté, donc revient donc en grandir dans l'esprit. Grandir dans l'esprit, ça veut dire que vous êtes à la position où vous connaissez c'est pourquoi Dieu a de vouloir faire telle ou telle chose dans votre vie. Ne serait-il pas très bon et très intéressant de marcher selon l'esprit, frère? Oui. Je crois que le prochain enseignement que nous allons voir, c'est marcher selon l'esprit. Il faut qu'on parle d'abord de la disponibilité de l'eau de cet esprit, si puis on va parler de marcher selon l'esprit. D'accord? Mm-hmm. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc, Philippiens chapitre 1, verset 8 et 9, qui va nous lire cela. Frère, je voulais savoir, ce que tu expliquais tantôt là, c'est la même chose que dans Proverbes chapitre 4, verset 18. Quand tu dis comme ça, tout le monde connaît Proverbes chapitre 4, verset 18 ici. Demande à Saint-Mimi, qu'est-ce qui est écrit dans Proverbes chapitre 4, verset 18? Elle va te dire qu'elle ne sait pas où Proverbes se trouve. Ouais, comment elle dit non? Elle dit qu'elle n'a pas encore lu Proverbes. Tu dis justement, est-ce que c'est ça qui est écrit dans Proverbes chapitre 4, verset 18? Qu'est-ce qui est écrit, frère? Le sentier des justes est comme la lumière resplendissant dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Essaie de dire ça au témoin de Jéhovah. Il va te dire que c'est pas comme Charles a commencé, il a fait les erreurs, non, après ça pour avancer doucement, doucement. Que c'est la vie. Voilà, le verset 24 dit quoi? Comme voilà, le sentier des justes est comme la lumière croissante. Comme ça sort, la lumière sort le matin, ça va progressivement. Vous progressez, et ça, c'est le sentier des justes. Plus vous progressez dans la lumière. Et quand vous progressez dans la lumière, vous abandonnez les ténèbres derrière. C'est exactement ça. Le verset 24 de ce livre-là dit quoi, mon cher? Verset 23 et 24. L'éclat de ta bouche, la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. C'est tout, non? 24, merci. On continue. Considère le... Oui, 24, merci. C'est tout. Donc, vous voyez effectivement que si vos lèvres, vos yeux sont laissés diriger devant, ce n'est pas possible que ça soit pas derrière, n'est-ce pas, frère? Mm-hmm. Voilà, donc nous étions dans Philippiens, merci frère, nous étions dans Philippiens chapitre 1. Nous parlons ce soir, si vous venez nous prendre, nous parlons de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, grandi dans sa connaissance. Et d'après ce que nous venons de découvrir, que grandi, il n'y a pas compatibilité entre la vie chrétienne et la stagnation, parce que tout, d'après ce que nous avons vu, tout dans la nature parle de la croissance. Lorsqu'on sème quelque chose sur la terre, ça doit croître. Et remarquez très attentivement une fois encore, c'est que toutes les choses qu'on sème croissent pour aller vers la lumière. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela. Ça croisse pour aller vers la lumière. Donc, en réalité, il y a la lumière qui attire les choses vers elle. Et par conséquent, nous, en tant que chrétiens, nous devons grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus. Grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus. Comment, étant sur la terre, nous devons grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus? Nous devons rechercher la sainteté. Parce qu'en réalité, c'est sa sainteté qui doit nous gouverner. Si sa sainteté nous gouverne, au fur et à mesure, nous allons comprendre donc, effectivement cette expression de son amour incommensurable. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Philippiens chapitre 1, verset 8 et 9. Qu'est-ce que ça dit? Souvenez-vous, je vous aime. Souvenez-vous de cela bien. Je vous aime. Un de ces jours, vous allez comprendre ce mot, c'est je vous aime. Philippiens, qui va lire alors? Benjamin, le frère Benjamin veut lire, oui. Ton micro est ouvert. 4. Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Amen. Amen. Vous voyez ce que l'apôtre Paul fait pour ces gens-là? Il sait effectivement que ces gens-là connaissent le Seigneur comme il faut connaître, il aura moins de travail. Si chacun de nous a une relation avec le Seigneur Jésus, nous nous retrouverons comme ça. Chacun donnera la portion que Christ lui a donnée et nous sommes édifiés les uns les autres. Nous avons une responsabilité. Chacun a une responsabilité claire de rechercher cette intimité-là jusqu'à la trouver. Il y a un autre enseignement sur Bambaiba, chercher la connexion. Écoutez, ça parle de ces choses-ci. C'est chercher la connexion. Je crois que c'est le titre là-bas. Si le frère Bada a posté cela, je ne sais pas. C'est là la poster. Ces choses-là, ça devait être primordial de notre vie. Imaginez que vous passez le temps devant la télévision, 90 minutes pour voir un match. Mais vous lisez un verset biblique, vous êtes là 2 minutes, vous avez la baillée 7 fois. Vous avez des problèmes. Il vous faut la délivrance. Il vous faut la délivrance. Mais quand vous voyez les films, vous êtes tellement chaud que lorsque ça finit, vous dites que les bonnes choses ne durent jamais longtemps. L'engouement avec lequel vous voyez le film, ou bien quand vous voyez Paris Saint-Germain a marqué, ouais. Pourquoi quand vous voyez une promesse telle que, je vous le dis, demandez afin que vous recevez, que votre joie soit parfaite, vous ne dites pas, oh Seigneur, je vais demander cette nuit-ci. Pourquoi ne faisons-nous pas cela? Cet engouement-là, si nous n'avons pas ça avec la parole de Dieu, nous sommes superficiels. C'est exactement comme les semences qu'on a semées sur du sable. Ça n'aura pas de racines. Petit vent nous renversera. Et nous ferons être, comme l'apôtre Paul dit, enracinés, étant fondés en Christ. Chapitre 3 de ce même livre de Philippiens. Chapitre 3, verset 8 cette fois-ci. On y va. Est-ce que le frère Benjamin va le lire alors? Mais c'est quand même curieux sur ces chansons-ci. Je crois que j'ai des choses à dire. Vous voulez dire des choses ce soir, mais vous êtes vraiment. Je ne sais pas, vous êtes fatigué. Ou vous ne voulez pas grandir à la connaissance du Seigneur Jésus. Non, frère, non, frère. Et même, je regarde toutes ces choses comme une bête à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Vous entendez ça? Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Relis encore, mon cher frère, et vérifiez bien votre écriture pendant qu'il en est de lire. Philippiens chapitre 3, verset 9 encore. Verset 8 encore. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je regarde comme de la boue, je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu. Amen. Qu'est-ce qui a fait de tel en sorte que cet homme-ci, appelé Paul, commence à que son centre d'inertie plus l'attirer vers le haut et que la concavité l'amène vers le haut, en lâchant tout son regard depuis le bas, il se lève vers le haut en abandonnant tout. Qu'est-ce qui, dans ces versets, il lui dit? Qu'est-ce qu'il nous explique? L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Grandissez un peu, goûtez seulement à ce niveau de l'autre, savoir de quoi il est question. Goûtez. Attends que l'eau tombe sur vous. Quand ça va tomber sur vous une fois, comme vous dites que demain, là, vous allez travailler là pour arrondir la fin du mois, vous allez plutôt faire la fin du mois carré. Vous allez voir. Quand ça va vous arriver, vous allez voir de quoi il est question. Vous allez sentir ce que cet homme-ci en train de parler. Si on avait assez de temps, je devais vous raconter mon histoire. Vous devez comprendre concernant ces choses-ci. Et on a le temps. On a le temps, mon frère. Tu peux raconter, s'il te plaît. Tu aimes trop ça, ma soeur. Donc, l'apôtre Paul dit ici, il dit c'est à cause de l'excellence de la connaissance de Christ qu'il regarde tout ce comme la boue, il abandonne toutes ces choses qui sont derrière. Vous remarquez très attentivement que dans des enseignements, il dit par exemple souvent qu'il n'y a pas d'imitation dans la vie de Christ. Vous ne pouvez pas commencer à faire comme l'apôtre Paul sans avoir expérimenté ce qu'il a expérimenté. Parce que sinon, demain, devant, vous allez avoir des couacs. Quand vous allez avoir des couacs, votre tête va disjoncter, on va dire que vous entrez dans la sorcellerie, que voilà vos sectes là maintenant. Tu avais abandonné tes choses, où est-ce là? Quelque chose doit vous catapulter. Vous avez remarqué, il y a ces choses-là qui volent comme l'avion. Les gens, ils vont. Regardez très attentivement. Je ne sais pas comment vous appelez cela. Cette porte, la chose avec la boule où les gens s'assient à l'intérieur. Le ballon là, ça entraîne les gens. Je ne sais pas si vous connaissez cela. La montgolfière. Comment, frère? La montgolfière. La montgolfière. Qu'est-ce qui fait voler cela? Le vent. Essaye d'attacher le parapluie comme ça, tu voles, on voit. Quelque chose doit propulser cela pour que ça monte et que ça garde cette forme là, non? Qu'est-ce qui le fait? La chaleur, le feu, non? Il y a quelque chose qui propulse un certain air pour que ça puisse monter, pas vrai? S'il n'y a pas cette air-ci, c'est là que je vais vous mettre. Notez de 1 Samuel chapitre 16, je vais vous dire quelque chose. 1 Samuel chapitre 16, et puis je vais vous dire ces choses. Regardez que la période entre la déchéance du roi Saül et l'intronisation du roi David a coûté 34 ans. Je veux toute votre attention. Tu dis Camille, ça vous réveille au moins là-dedans. Ça fait 34 ans. Ok, suivez attentivement. La période entre la déchéance du roi David et l'intronisation du roi David. De roi Saül et roi David, 34 ans. Maintenant, vous avez moi. Qu'est-ce qu'il a duré, hein? Ah, c'est parce que quand vous lisez les Écritures, vous lisez, vous croyez que les événements sont passés là, n'est-ce pas? Vous avez noté 1 Samuel chapitre 16. Frédéric Maillot, d'un fermer ton micro. Il y a 3 micros qui sont ouverts. Le micro du frère Benjénit, le micro de Clopotra. Puis le micro de Frédéric Maillot qui monte une route derrière les arbres. Donc ça veut dire qu'il fort, il se cache derrière ces arbres-là. C'est ce que son image veut présenter. Alors je peux avancer maintenant. Bon, de toute façon, je vais dire ce qu'il veut dire. Dans 1 Samuel chapitre 16, vous avez remarqué que c'est le Seigneur envoie le prophète Samuel aller oindre le roi de David, l'un des fils d'Isaïe. Quand il arrive, il a tous ses effets. Et puis il va trouver ce garçon-là. Il part, la Bible déclare qu'on fait appel à celui-là. Il part, il lui verse de l'huile. Voilà cette image-là que notre frère a à propulser là, à monter bas sur votre groupe là, le ces ballons là qui volent de part et d'autre. Le frère Frédéric Maillot n'a pas fermé son micro. On peut continuer. Je peux parler. Oui, frère Junior. Ok. Toi qui l'as fermé maintenant. Maintenant, le prophète Samuel va oindre David pour roi. Avec la corne d'huile. Lorsqu'il va le oindre pour roi, à cet instant-là, depuis le ciel, il est roi d'Israël. Vous savez ça, n'est-ce pas, frère? C'est au chapitre 17. Quand vous lisez le chapitre 17, depuis le chapitre 16, vous lisez au chapitre 17 comme si c'était le lendemain du jour où un roi qu'il allait confronter David, Goliath. Chapitre 17, donc, se trouve la confrontation de Goliath qui va révéler enfin David afin qu'il entre dans la phase de la persécution et de sa formation finale de la royauté. Vous avez moi, hein? Quelqu'un de partager l'écran. Alors, dans ces conditions-ci, vous remarquez que le roi Saül va, malgré qu'il avait eu la royauté, et Dieu dit dans le livre d'Osée qu'il a donné le roi dans la colère. Donc c'était un roi de colère. Maintenant, le roi David, là nous nous trouvons dans un style de... c'est le frère Bekombo qui partage l'écran. Il faut enlever ça, ça va créer les situations lentes là. Vous voyez effectivement que ici se trouve un roi reconnu depuis les cieux et un roi qui était initialement reconnu par des hommes et qui, sur la terre, ça ne permet pas que ça marche comme Dieu le veut. Par conséquent, ils sont dans un système complexe. Où est-ce que je sens de vouloir vous amener? Je sens de vous amener dans cette optique-ci. N'essayez pas d'aller vous faire roi sans que l'huile ne soit là. Souvent, vous entendez les pasteurs dire, comme David, qui est ton Goliath? Parle-lui au nom de Jésus. Souvenez-vous qu'avant qu'il ne fonce dans le chapitre 17, au chapitre 16, il a reçu quoi? Il a reçu l'huile. Donc, quand il y a n'importe quelle confrontation devant vous, ce n'est pas une faiblesse en disant que attends, d'abord, pas voir mon Seigneur. On pourra prendre ça comme faiblesse. Alors, si vous n'avez pas l'huile sur vous, ne vous aventurez pas sur les territoires, sinon vous allez vous casser la figure. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est à cause de ces Philippiens, chapitre 3, verset 9, que sont dit ces choses-ci. C'est-à-dire que, vous regardez la trajectoire de l'apôtre Paul. Tout ce qu'il avait comme intérêt sur la terre, il a perdu. Parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé à Damas. Il n'est pas sur le chemin de Damas. Ça commence sur le chemin de Damas, ça sera fini chez Ananias. Où est-ce, n'est-ce pas? Depuis que ses mains ont été déposées sur lui, il a changé radicalement. Vous voyez, maintenant il peut confronter n'importe quoi. Mais ça n'a pas empêché. Quand on le met en prison, le frappe 40 coups moins 1. Vous savez ça, n'est-ce pas? Ça n'a pas empêché qu'il ait fait naufrage. Ça n'a pas empêché qu'on l'emmène en prison. Quand tu enfermes en prison, toi, le Saint-Esprit, vous êtes toujours identique. Ça ne change rien. Alors, il faut qu'on comprenne donc comment grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus. Grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus, remarquez bien que c'est l'apôtre Paul prie à plusieurs reprises ici pour le Colossien, les Philippiens, les Éphésiens. Il prie de la même façon que les gens grandissent dans cette excellente connaissance. Vous me suivez, n'est-ce pas? Il va même plus loin, si vous lisez le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 6 particulièrement. Enfin, prenez à partir du verset 1. Lisez le verset 6, prenez 2 Corinthiens là. Voilà le frère Bekombo qui, à son tour, maintenant prend les éventails pour se donner de l'air. Courage. Souvenez-vous, Job, chapitre 36, verset 12. Dieu fait varier la température de ces climats-là selon son dessein. Il y a dit quel livre déjà? 2 Corinthiens, chapitre 4. Lisons le verset 1, le verset 6 qui nous intéresse. Pendant que vous y êtes, vous pouvez noter également 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5, où on parle de vous amener toute pensée captive à la connaissance du Seigneur. Vous voyez, une fois de plus encore, il faut ramener les gens à cette connaissance du Seigneur. Quand les gens connaissent le Seigneur Jésus, je crois que pendant que vous allez lire, vous allez chercher, vous dire quelque chose, remarquez très attentivement pour que vous compreniez ce que la Bible, elle n'est pas parlée par connaissance. Vous posez la question à tous les religieux, même aux enfants de l'école primaire, qui est Jésus? Jésus est le sauveur du monde. Ce n'est pas ça la connaissance du Seigneur Jésus. Parce que c'est un renseignement livresque. Je ne sais pas si vous saisissez. Écoutez encore ce mot du sage. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire que tu commences à être sage lorsque tu commences à craindre Dieu. Et craindre Dieu, ça veut dire s'éloigner du mal. S'éloigner du mal, ça veut dire se préserver des souillures du monde. Se préserver des souillures du monde, ça veut dire s'avancer dans la sainteté. Donc la crainte du Seigneur, c'est la recherche de la sainteté. C'est n'est-ce pas? Alors, le verset 1 à 6, le verset 6 continue, nous intéresse. Qui va aller lire ici aujourd'hui à la maison? Ouais, Seigneur. 2 Corinthiens, chapitre 4, du verset 1 à 6. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais, en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. C'est même le but même de la prédication. Vous voyez ce que l'apôtre Paul dit? Et c'est des révélations là qu'il a sur le cœur. Que les êtres humains prennent, que Christ se réfléchisse sur les gens pour qu'on puisse le connaître. Voilà pourquoi donc, il a passé le temps donc, à prier pour eux. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, donc, il dit les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas changées. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser tout raisonnement et pour amener toute pensée captive à l'obéissance du Seigneur. Tu vois ça, toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Christ. Alors, Satan va faire tout et tout, comme on a dit dans 2 Pierre chapitre 3, verset 18. Ils vont mettre les pieds d'achemin là-haut pour empêcher les gens à connaître Christ. Vous êtes là, mes frères? Amen. 2 Pierre chapitre 1, donc. Amen. 2 Pierre chapitre 1. Je vous ai donné les passages aujourd'hui dans 2 Pierre chapitre 1, verset 1 à 8. Si ma mémoire est bonne. Oui. Hein? Non. 2 Pierre chapitre 1, 8, verset 1 à 8. La connaissance de la sœur Carole n'est pas bonne là. Je ne sais pas qui a la connaissance qui est bonne. La sœur Mimi est encore là. C'est parce que j'avais une peau au parler. Ok. Parce que la soeur Carole, quand la chaleur dans les mains a un peu fondu ses câbles. Le frère Benjamin est là. Amen, frère. Oui, c'est de lire, quoi. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus. Doucement, mon frère, quelqu'un a fait le bruit là-bas, on n'a pas entendu. Verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés à sa propre gloire par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui a détecté... Mon frère... Attends. Qui a compris comment faire pour ne pas être stérile pour la connaissance du Seigneur Jésus? D'ajouter... Il a répondu à la question alors. Non. Qui a compris comment faire pour ne pouvoir être oisif par rapport à grandir, comment grandir en connaissance du Seigneur Jésus? Qui a compris? Bah, c'est tout ce qu'il a cité là, la tempérance. Je n'ai pas la Bible sous les yeux, mais c'est tous les adjectifs qu'il a cités. Qui va alors répondre à la question? Qui a compris? On a tous compris, je crois. Il a dit de faire tous nos efforts. Toi, tu es dans ta maison là-bas où il n'y a pas la lumière, tu as caché la Bible, tu en es compris pour tout le monde. Donc, tu es sûr que tout le monde a compris. Il a dit de faire tous nos efforts pour jeûner à la foi, à la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. Amen. Fraternel, la charité. Mais lisez le verset 3. Une fois, ça rejoint un peu le fruit de l'esprit. Voilà. Comment tu dis ça rejoint seulement un peu? Ça rejoint beaucoup. Amen. Amen. Mon frère, la connaissance, là, c'est mis pourquoi? La vérité. Quelle connaissance? Non, parce qu'ils disent... à la lecture, là, ils disent la connaissance de Jésus-Christ. Mais c'est ça dont on a parlé depuis ce soir, sinon. Oui, bien sûr. Ok, verset 3, qu'est-ce que verset 3 dit encore? Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc, vous voyez effectivement que plus vous connaissez celui qui vous a appelé, plus sa divine puissance travaille au travers de vous pour faire toute cette œuvre aussi, n'est-ce pas? Bienvenue dans la sainteté, bonne soirée. J'ai une question, s'il te plaît. Qu'est-ce que la piété, selon la Bible? Bonne question. T'inquiète pas, les Bibles sont là. Chacun doit dégainer déjà la Bible. Désigne un frère, comme besoin, chacun se gratte là-bas. Désigne un frère, la soeur Caro. Désigne un frère, ils vont te répondre. Le frère. Hein? Voilà. La piété. La piété, c'est la foi, non? Il répond ou bien il pose la question. Non, la piété, c'est la foi. Bon, maintenant, relis encore deux pieds. Non, attends. Lis encore deux pieds là. Toi-même qui vas lire cette fois-ci. Verset 5 et suivant. Le 2 Pierre chapitre 3 là. Oui. 2 Pierre chapitre 1. On vient de lire 2 Pierre chapitre 1, non, mon frère? Verset 5 et suivant. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété. Bon, arrêtons-nous là-bas. La première chose qu'on a mentionné, c'était quoi? C'est la foi. Et là-bas, maintenant, tu viens de lire quoi? La piété. Et là, tu dis que la piété, c'est quoi? Non, c'est pas ça. Donc, tu as tellement dit qu'on va joindre à la fois quoi? Non. Okay. On va joindre à la fois la piété. Voilà. Donc, c'est deux choses différentes. Oui. Voilà. C'est comme ça qu'il faut prendre les gens pour que. Donc, comme tu les as déjà vus dans deux endroits différents, Dans ce même endroit, mm-hmm. deux, ça ne se passe pas. Donc, allons-y, on continue. C'est quoi la piété? C'est vous qui dites souvent qu'ayant l'apparence de la piété, mais rien, ce qui en fait la force, non? Oui, oui. Quand vous citez comme ça, c'est bon, non? C'est Carole. C'est Carole, merci pour la question. C'est quoi la piété? Ouvrez Osée chapitre 6. Non, ouvrez d'abord Osée chapitre 6. Ça va vous aider. Osée chapitre 6, verset 6. Notez également psaume 31, verset 3, je crois. Psaume 31, verset 3. Ça peut être décalé dans votre livre, selon que vous commencez dans au chef des chantres, ou bien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Quand il parle de berger dans la sainteté, bonsoir, la sœur Carole, j'ai la question, une question. On vous dit que elle n'est pas bonne soirée. Quelqu'un va-t-il lire alors? Osée chapitre 6, verset 6 dit ici, car j'aime la piété et non les sacrifices. Oui. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Vous voyez que ça, cette phrase-là touche, ces deux choses-là touchent les sujets dont nous sommes de voir aujourd'hui, n'est-ce pas? Dieu dit que il aime les sacrifices plus que la connaissance de Dieu, oui ou non? Il aime les sacrifices. Il dit il aime la piété et non les sacrifices. Oui. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Donc vous voyez effectivement que tous les actes que nous faisons là, que nous faisons là-bas, ça veut dire que Dieu veut parler que la connaissance, la soif de la connaissance de Dieu, connaître Dieu est prioritaire d'abord avant autre chose. N'est-ce pas si vous saisissez? Mm-hmm. Dans le deuxième, vous voulez dire et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. N'est-ce pas si vous comprenez? Mm-hmm. Il aime la piété et non les sacrifices. Ici, la piété fait place clairement au sacrifice. Vous avez lu dans 1 Corinthiens chapitre 13, si quelqu'un a la divinité, tu as n'importe quelle révélation, juste parce que si vous n'avez pas la charité là, ça ne vous sert de rien. Mm-hmm. C'est cet évangile qui est prêché ici dans ce livre d'Osée chapitre 6, verset 6. Maintenant on continue. Donc ici nous nous trouvons effectivement avec le mot piété. Et Dieu dit qu'il aime cette piété là et non les sacrifices. Il aime la connaissance de l'Éternel, ou quoi, de Dieu, plus que les holocaustes. Qu'est-ce que vous voyez? Ouvrez Actes des Apôtres chapitre 3, verset 12. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Amen. Mais le frère Bokomo, il n'est pas là. Il a coupé sa vidéo directement. Pourquoi la sœur Carole ne la désigne pas? Je suis là. Ok. C'est Carole, si le frère, parce que la question a posé au frère Tra. Je vous montre seulement. En fait, ce qui sont de faire, c'est que. La piété, c'est. Quand on parlait de Corneille, un homme pieux, c'est. Oui, c'est un exemple d'un homme pieux, mais c'est quoi donc la piété? La piété. Piété, c'est la crainte de Dieu. C'est une vertu. Oui, ça c'est clair, c'est une vertu, parce que c'est l'impiété. L'humilité, quoi. Continuons. Oui, la sœur qui est sortie là-bas, allons-y. L'humilité. Dans un certain sens, oui. Le rabaissement de soi, s'abandonner, enfin. Oui, c'est le synonyme que tu viens de dire tout à l'heure, là. Oui, continue. Et l'amour de Dieu. Attends, non. Toutes ces définitions que vous avez données là, la phrase, le verset que vous allez lire maintenant, le passage que vous allez lire, on va voir maintenant, on va appliquer ça, vous allez voir. Allons-y. Chapitre 3, verset 12 des Actes des Apôtres, c'est à l'issue du moment où cet homme qui était à la porte de Salomon avait été guéri. Quelque chose va se passer. Verset 12, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que les gens vont lire ici? Qu'est-ce qu'il va parler? Pierre, voyant cela, dit au feu. Homme israélite, pourquoi vous tenez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous ayons fait marcher cet homme. Bon, qui a parlé de l'humilité, de humilité tout à l'heure? C'est la sœur Suzanne. Donc ça veut dire que ici, c'est comme si l'apôtre Pierre dit que c'est par leur humilité qu'ils ont fait marcher cet homme-là. Non, ça colle pas trop, c'est vrai. Allons-y. On continue. Par l'amour. Donc c'est pas voilà, l'amour. Amour, hein. Notez. Mais c'est le micro de qui fait. Tu sais que dans le dictionnaire, on dit que c'est une dévotion. Non, c'est que oublie au dictionnaire. Oublie. On continue. 1 Timothée chapitre 2, verset 12. Bon, prenons 1 Timothée chapitre 6, verset 11. Verset 11 est intéressant. On donne l'ordre à l'homme de Dieu. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et cherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Vous avez dit tout à l'heure que c'était quoi l'amour, non? Donc tout à l'heure, le frère Chabi avait dit que c'était la foi. On a trouvé la foi dans ces mots-là. Parce qu'ici, on dit que la piété, la foi, la charité ou bien l'amour. N'est-ce pas, mes frères? Oui. Donc, on peut dire que cherche l'amour. Et vous voyez que ça ne me donne pas. N'est-ce pas, le frère Jean-Marie? Oui. On continue. La piété, ce n'est pas le service de Dieu. C'est le service qu'on rend à Dieu. La consécration. C'est quand même terrible ça. L'attachement. Parce que dans un passage, il avait dit il y a des serviteurs qui pensent que la piété est une source de gain. C'est au chapitre 6, verset 6. Lis, c'est ce qui est écrit. Oui. Puisque vous êtes devant là-bas. Piété est une source de gain. Vous ne voulez pas lire, frère? Verset 6, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Voilà. Donc, quand vous lisez cela, la piété, ça veut dire quoi? C'est le service de Dieu. Le service qu'on rend à Dieu. Le service qu'on rend à Dieu. Oui. Ok. Toi qui as dit ça, lis 2 Timothée, chapitre 3, verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. C'est toi qui as dit ça tout à l'heure, frère. Tu veux porter ses propres, tu veux porter ses problèmes. Pas encore, frère. Alors, frère Trabili, 2 Timothée 3, verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Ok. Bon, maintenant, la Bible déclare que ces gens-ci, de cette fin de temps, auront l'apparence de la piété. Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? Là, tu as dit que c'était là, quoi, le service qu'on rend à Dieu, non? Mm-hmm. C'est ça que ça dit ici. Non, moi, c'est la consécration. Moi, je vois un peu ça comme l'acidité. Dans le service qu'on rend à Dieu. Qui a parlé comme ça? C'est moi, frère. Ok. Lis Hébreux chapitre 12, verset 28. Ce sont les actions de grâce. Tu parles. C'est Carole est calme, elle attend seulement la réponse. Elle dit que vous faites n'importe ce que vous faites là, vous me donnez la réponse de la piété. Vous voyez, c'est un très grand thème de la Bible parce que, effectivement, vous lisez tout à l'heure quand nous avons développé concernant la connaissance de Christ. Au verset 11, là où nous avons commencé, on dit que puisse donc que toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être quoi la sainteté de votre conduite et de votre piété. N'est-ce pas? Oui. Donc, c'est un grand thème qu'on doit effectivement regarder. Et dans ce 1 Timothée 6 là, il plutôt homme de Dieu fuit ces choses et recherche. Ce qui dit rechercher quelque chose, tu ne sais même pas ce qu'on a demandé de rechercher. Comment tu vas rechercher la chose? Normalement, cette question, avant que la sœur Carole ne soulève ça, ce sont les choses que vous aurez déjà dû travailler là-dessus. Parce que normalement, c'est mon piété, vous la rencontrez plusieurs fois. Vous voyez cela? Plus de 27 fois dans la Bible, vous allez retrouver ça là-bas. Alors, lis-nous donc Hébreux 12, verset 28, mon cher. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Voilà. Un culte qui lui soit agréable. Avec? Avec piété. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, frère? Avec ferveur. Avec, frère? Ferveur. Avec ferveur. Assiduité. Allons donc au chapitre 5, verset 7. Où? Hébreux, chapitre 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait sauver de la mort, à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. On dit le Seigneur Jésus a été exaucé à cause de sa piété. Qu'est-ce que ça dit, frère? Sa soumission. Continue comme ça. Donc, vous voyez qu'à chaque phrase que vous lisez, vous sortez un tout petit peu. Ouais, mais toutes ces piétés-là, c'est pas la même chose. Hein. Chaque piété. Donc, vous voyez effectivement que ça peut faire référence. Quoi, ça, le mot piété peut faire référence à la révérence, à la soumission, à sa volonté. Vous voyez cela, n'est-ce pas? À sa consécration. Ainsi de suite, d'accord? C'est donc pour cela que je vous ai parlé. Il y a plutôt ces passages pour vous en montrer. D'accord? Osée, prenons le dernier, Osée chapitre 12, le verset 6. Lisons là et sortons. La sœur Carole, écoute là. Amen. Mais souvenez-vous que le Seigneur a dit dans Osée chapitre 6, verset 6 qu'il aime la piété, n'est-ce pas? Et qu'il préfère la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Ouais, la sœur qui a ouvert le dictionnaire tout à l'heure là. Voilà, tu as encore ton dictionnaire avec toi. Présente. Tu as ton dictionnaire. Non, je voulais dire, si tu as le dictionnaire écrit, regarde un peu baptême voix dans le dictionnaire. Regarde quoi? Baptême, pendant que vous allez chercher le Osée chapitre 12, verset 6 là. Le mot baptême, tu me dis ce que le dictionnaire dit. Baptême, c'est... Oui, lis-nous ça, ma chère. Sacrement destiné à laver le péché originel et à faire chrétienne la personne qui le reçoit. Comme tu as entendu, non? Ah, ta définition du baptême. Continue. Lorsque vous allez lire ces choses-ci, ceux qui ont donné ces dictionnaires, c'est parce qu'ils ont eu à consulter les gens qui connaissent, qui sont les théologues en la matière. Ils sont allés vers les catholiques pour prendre cette définition. Et c'est pour ça qu'on dit sacrement. Où est-ce là? Et on va mettre cela maintenant en référent. Maintenant, on va mettre les docteurs catholiques. Continue la définition. Ça ne doit pas être terminé. Continuons la lecture. Moi, je regarde ça sur Internet. Non, regarde. Non, voilà ça devant toi. Est-ce que je te regarde? C'est ton dictionnaire. Vas-y. Parce qu'il veut te dire quelque chose. C'est pour ça qu'il veut te dire quelque chose. Bon. Sacrement que l'Église administre à un enfant ou à un adulte par le symbolisme de l'eau et au nom de la Trinité, afin de l'introduire dans la communauté chrétienne en le purifiant du péché originel. Ok, maintenant, quand tu lis cela, si quelqu'un te dit que j'ai vu le baptême dans le dictionnaire, voilà comment on a dit. C'est biblique ça. C'est pour ça qu'il faut faire attention, c'est la Bible qui doit définir. Ouais, comment la Sainte-Mémie est en train de dormir ici là. Oh, pitié Seigneur. Écoutez. Alors, donc, voilà pourquoi il en prend comme ça plusieurs définitions. Vous allez voir de quoi il est question avec ces choses-là. N'allez pas dans les dictionnaires mondains pour chercher les mots qui sont écrits dans la Bible. D'accord? Sinon, tu vas aller ainsi. Maintenant, pour ceux qui voulaient le dictionnaire Larousse, on va commencer à vous parler de baptême. On va parler de différentes de baptême, baptême par aspersion. Ils savent effectivement que le mot étymologique, c'est immersion. Maintenant, on continue. Il dit Osée chapitre 12, verset 6 là. Qui va nous lire cela? L'Éternel est le Dieu des armées, son nom est éternel. Et toi, reviens à ton Dieu, garde la piété et la justice, et espère toujours à ton, en ton Dieu. Amen. Tu as compris la sœur Carole? On garde la piété. Il y a des questions? La sœur Clarisse, la sœur Christiane, tu as vu les dictionnaires? Non, je te donne encore un autre dictionnaire. Un autre mot que tu cherches dans le dictionnaire. Tu vois, de quoi les questions? Hein? C'est parce qu'on avait déjà tout donné. Donc, comme tu étais fatigué des données, tu allais chercher dans le dictionnaire. Bon, alors maintenant, s'il n'y a plus de questions, on se dit bonsoir et à bientôt, n'est-ce pas? J'ai une question qui apparaît dans 1 Samuel 7. Ça n'a pas tiré avec ce qu'on a vu là. C'est une question qui m'est en fait dans le livre de 1 Samuel. Samuel au chapitre 14. Donc. Là, il est en fait question du serment que Saul avait fait au peuple de ne point manger quelque chose jusqu'à ce qu'il soit venu à bout de ses ennemis. Mmh. Et de Jonathan qui, entre-temps, en forêt a eu à goûter le miel, et plus loin, les soldats ayant faim ont eu à tuer des bœufs, des brebis et manger même avec du sang. Et là, la colère du Seigneur s'est enflammée. L'ayant consulté, donc, il savait que c'est Jonathan qui est en fait coupable. Mmh. Et ayant également fait le serment de tuer celui qui est coupable de ce péché, même si c'est son fils, donc se trouve en fait devant le peuple. Et à l'issue de l'intervention du peuple, ne voulant pas que Jonathan soit tué, il est finalement relâché. Donc ma question est de savoir, étant donné qu'il avait fait ce serment, a-t-il violé ce serment en laissant Jonathan, ou la raison pour laquelle le Seigneur a désigné Jonathan comme étant pécheur, ce n'est pas à cause de la violation du serment, mais à cause du fait qu'ils aient mangé des animaux avec le sang. Quelle est la voix qui a été écoutée à ce moment? La voix du peuple ou de Saül? La voix du peuple. Qui l'a amené au trône? Le peuple. Voilà, voilà, je crois que ça devait être clair. Allons dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 21. Je vais te montrer quelque chose. Jonathan ignorait le serment. Oui, même la fille de Jephthé ignorait le serment que son père avait fait. Bon, mais puisque comme la loi du Seigneur disait, bon, tous ces serments qui se sont faits doivent en fait. Actes des Apôtres, chapitre 21. Vous y êtes? Amen, frère. Verset 8 et suivant. Nous partîmes le lendemain. C'est bon pour tout le monde? Oui, frère. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des sept, nous logeâmes chez lui. Il avait quatre filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem, et le liront avec, et le liront entre les mains, et le livreront, merci frère, entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'emploi, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen. Qui sont ceux qui pleuraient et demandaient à l'apôtre Paul de ne pas monter? sont les chrétiens qui étaient avec lui. Quelle est la volonté de Dieu et qui l'a exprimée? La volonté de Dieu est qu'il soit lié, et c'est un prophète qui l'a exprimé. Mais dans une autre séance encore, la Bible déclare que c'est l'Esprit qui a persuadé les gens de leur dire, de dire à l'apôtre pour de ne pas avancer, n'est-ce pas? Amen, frère. Alors maintenant, le Saint-Esprit dit que tu dois aller dans cette direction, le Saint-Esprit dit dans l'autre direction, ne pars pas comme ça là. Si c'était toi, tu ferais quoi, frère Benjini? Bon, au vu de ce passage, il avait en fait des ici, des ici. Nous écoutons. À la grâce de Dieu. Je vous en avais posé là mes questions ici, non? Vous m'avez pas encore répondu. Laquelle, frère? Est-ce qu'il y a des questions? Ce sont les bien. Oui, il y a eu beaucoup de questions ici. Voilà. On n'a pas répondu. Vous voulez qu'il ajoute? Voilà. C'est quelle question? Vous l'avez oublié. Il veut... Non, c'est pas quand il a posé la permettez question. Que je prie pour vous. Une question. Oui, la sœur, la sœur Christiane. Non, en fait, je vous ai dit qu'il y a une question que tu avais posée il y a des mois concernant qui sont les justes dans Matthieu, devant le grand trône, quoi. Dans Matthieu 25, sont... n'est-ce pas? Oui. Ils font la crainte de ton Saint-Nom et la marche en ton nom est la priorité pour notre vie. Et je prie au Père de gloire pour tous ceux qui vont s'aventurer dans cette voie-là, que tu leur donnes la révélation de ta connaissance. Et te recommande leur âme entre tes mains. Je recommande leur vie et leur famille entre tes mains. Que ton nom se soit élevé. Préserve leur famille, Père de gloire. Et donne au Dieu à tous ceux qui vont passer par des moments de difficulté de pouvoir tenir ferme en toi en ayant le regard fixé seulement sur toi. Je prie que tu leur rendes visite de façon abondante au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie au Dieu de gloire qu'ils comprennent qu'il ne s'agit pas de moi, mais de cette voix que tu as donnée. Je prie au Dieu de gloire que tu leur donnes de comprendre cette marque. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse mes frères. Souvenez-vous, le Seigneur avec vous. Dieu te bénisse, frère. Vous m'avez donné tout, même les disques Dieu. C'est ça, non? On partira tout ce que vous voulez ou pas. Amen. On partira. Amen, frère. Nous sommes là pour travailler pour ce départ-là, n'est-ce pas? Amen. Que le Seigneur vous bénisse, de toute façon.